Mike, ce soir, on reçoit une invitée, non? Ouais, Pamela Hutt qui passera à nous voir et puis elle chantera son titre aussi, Pamela Hutt. Oh, c'est bon ça. Tu crois que je peux la draguer un peu ou pas? Bah, essaye toujours, mais je doute que t'aies une chance. Hein. Bah, pourquoi tu me dis ça? Personne me résiste. Quand elle va voir mon membre, elle pourra pas résister. Sandro? Ouais, quoi? T'as fait en pleine crise, là. Tu peux faire quelque chose? Viens. Ok. Qu'est-ce qu'il est chiant. Tiens, Toff, je sais que tu connais pas cet objet. N'aie pas peur, ça s'appelle un miroir. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio... Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de malades. Je veux m'écouler. Non. Michael. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est à deux jours de Noël. Oui. Eh oui, oui. Et demain, oui. Noël. Eh oui, non, demain c'est le réveillon. Noël c'est le 25. Ouais, mais bon, tout le monde fait ça le 24, donc c'est demain. Oui, mais Noël. Sans déconner. Pardon. Voilà, je disais que Noël c'était le 25, le réveillon c'est le 24. Ouais, c'est l'heure, il veut pas lâcher l'affaire. Mais oui, exactement, c'est, de toute façon c'est moi qui décide. Oui, voilà. C'est ça, de toute façon c'est toi qui décide maintenant quand Noël c'est. Exactement. Bon, ce soir, comme beaucoup de chaînes de télé, on va vous proposer un petit bêtisier, mais uniquement avec des conneries qu'on a dites ou qu'on a faites. Du genre hein. Eh ben, du genre. Ça, par exemple. C'est clair. En plus, qui s'exprime. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, on a du stock, donc on vous en diffusera pas mal ce soir et demain aussi d'ailleurs. Et puis ce soir, on aura donc un groupe de rock en invité, comme je le disais tout à l'heure, Pamela Hutt. Jack, tu fais la vanne ou je la fais? Non, c'est bon, je te la laisse. Pamela Hutt, elle vient avec des pizzas. Voilà, donc ça, c'était obligé de faire la vanne de merde, évidemment. Hein. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Hein? Ouais. Très bien, donc Pamela Hutt, c'est le nom de la chanteuse du groupe qui porte d'ailleurs le même nom, Pamela Hutt, qu'on recevra tout à l'heure. Voilà. Ouais, j'en entends parler pas mal hein, de ce groupe-là. Et oui, petit groupe qui monte petit à petit, comme d'hab, on les reçoit en premier, avant tout le monde. Ah, t'es trop fort, Mike. Oui, je sais. Mais oui, ça va. Bon, ce soir aussi, on vous proposera de nouvelles hallucinations auditives. Alors, est-ce que vous vous souvenez du délire? Ouais, en fait, les phrases qu'on a l'impression d'entendre en français, alors que les mecs chantent en anglais, c'est ça? Exactement, alors ouais, par exemple. En allemand. Vous vous souvenez justement de celle de Rammstein, en parlant d'allemand, écoutez. Voilà. Moi je me rappelle. Alors en français, pour ceux qui n'étaient pas là, ça donne, en tout cas c'est l'illusion qu'on en a, les petits motards font des haltères. Les petits motards. Voilà, on vous en fera écouter d'autres tout à l'heure. Et puis on aura aussi le petit ciné des Mexicains. Comme tous les mercredis, malgré Noël, ils sont là hein. Ça, c'est... Il y aura. Ouais, je sais. Bon, et puis là, le moment est venu donc de faire un tour du côté du répondeur avec les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. Et comme d'hab, le plus original repart avec un cadeau. Écoutons ça. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Vous connaissez peut-être les hôpitaux psychiatriques pour les professeurs, ce sont des hôpitaux psychiatriques pour profs. Eh bien, pour les pervers, il y a les hôpitaux psychiatriques. Allez, à plus. Fin du message. Message suivant. Coucou toute l'équipe de Michael. Bah, je voulais juste vous dire que vous êtes génial, qu'il faudra jamais changer ou que je vais tous les soirs. Bisous. Fin du message. Message suivant. Chanson sur énergie. Qui sait où se trouve énergie? Qui écoute sans interdit? C'est moi. Qui pique les kick-cats en eau? Qui sait que Toff n'est pas beau? C'est moi. Faut arrêter à répondre. Hein. Qui était trouvé le PSG? Qui trouve que Jack est muet? C'est moi. Qui aime bien le petit chiné? Qui sait que les pédos sont gays? C'est moi. Qui adore la Michel? Qui veut que Michel rappelle? C'est moi. Fin du message. Ah, bon, message suivant. Alors en fait, c'est une maîtresse d'école qui demande à toute la classe comment on fait les compotes. Alors déjà, il y en a un qui dit ouais, on met de la poire. L'autre, il dit ouais, on met de la pomme. Il y en a un troisième qui dit oui, on met de la moule. Et la maîtresse, elle regarde un peu étonnée, elle dit mais pourquoi on met de la moule dans la compote? On met pas de la moule dans la compote. Si, parce que ma maman, tous les matins, en se levant, elle dit putain, j'ai la boule en compote. Ah, c'est nouveau message. Ouais, il est mignon celui-là. Ouais, mais c'est une blague, on l'avait dit, pas de blague, c'est censé taper un coup de gueule. Ouais, mais elle était drôle la dernière. J'ai pas dit qu'elle était pas drôle. La chanson alors. Ouais, c'est... Non. Ah bah si. Allez, la chanson. Mais non, et les gens ils vont être relous après. Mais t'es déjà relou aussi, pourtant on n'arrête pas de te le dire et tu l'es tous les jours. Rien à voir. Non, il s'est pris la tête à faire un truc. Exactement, ouais, c'est vrai. Allez, Micha, on fait gagner la chanson. Eh, réponds-moi, espèce de chien. Oui. Il n'y avait pas un cocktail dînatoire, là, cet avant Noël. De quoi? Un cocktail. Demain. Un cocktail. Un cocktail, non. Demain, tu vas te bourrer la gueule, tu vas voir. Ah bon? Ça, c'est bien. Ah oui. Voilà. Il ramène du tiponche. De chez lui? Ah non, c'est chez lui, c'est du calva. Ah oui, oui. Tiponche avec des chips. Oui, oui. Et comme par hasard, elle pense aux chips. Ah bah oui. Non, c'est la vanne, vous n'avez pas compris? Non. Ponche, chips. Chips. Ah oui, Poncherello, c'est des années 80. Ah ouais, putain. Ouais, je suis né en 82, les gars. Ouais. J'ai pas compris encore, là. Non, c'est normal, t'es dans 82. La série, avec Chips. Oui, d'accord. Ah oui, là. Bah oui, toi, t'es l'époque G-Squad, excuse-nous. Et dans la série, il y a un mec qui s'appelait Poncherello. Ouais, voilà. Alors. Bah, Ponche, c'était Ponche. Chips, la série s'appelait Chips. Et toi, t'as dit, va ramener le petit Ponche, et moi, j'ai dit, ouais, il va ramener des Chips aussi. Je suis pas né à l'époque des G-Squad, je suis né à l'époque où il y avait des vraies vannes. Arrête un peu de dire de la merde. Arrête un peu de dire de la merde, là. Oh, il a connu des proches, merde. Bon, et puis ce soir, on aura pas mal de cadeaux à gagner dans le question pour une réponse. Peut-être la chérie, je t'ai fait cocu ou le GAV, ou encore même le jeu des amis que nous allons faire dans quelques instants. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, 612. Débutez votre message par énergie, puis vous laissez ami avec votre numéro de téléphone. Bon, vous savez déjà ce que vous faites pour Noël, vous? Ouais, ou pas? Fruits de mer, champagne pour moi. Ah ouais, et toi, Toff? Bah, moi, c'est fruits de mer et moules. Non, champagne et moules. Tu prends pas les fruits de mer? Bah, si, les moules. Oui, mais oui, non, d'accord, ok, bon, j'insiste pas. Hein, pas grave, je pète le cul de Sandro. Oh, ah, la magie de Noël, roux, putain. C'est mon cadeau. Ah, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Il est malade. Et alors, c'est Sandro, mais la main au panier non, du roux. Il m'a forcé. J'ai rien vu venir. Oh là là là là là là. Je vais te calmer, toi, un peu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pardonnez-moi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. Dégueulasse. De quoi? C'est dégueulasse. Ah, qu'il ait mis sa main au panier, oui. Ah, le panier du roux en plus, il doit être dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, ce que je propose directement, c'est dégueulasse. C'est faisons un petit flashback, puisque demain, c'est donc le réveillon de Noël. Que Sandro, donc, passe un petit coup de téléphone. Enfin, on rediffuse le moment où elle avait tenté d'appeler le Père Noël. C'est un Père Noël flamand, si mes souvenirs sont bons. Là, c'est un non, il y a eu tout à l'heure, ce sera le flamand. Voilà, il y aura le flamand tout à l'heure. Et puis là, elle a appelé le Père Noël français. On écoute ça. Et puis je vous rappelle qu'on sera là aussi demain, bien évidemment. 24 décembre entre 21h et midnight. Oui. Allô, madame. Oui. Ben, moi, j'appelle parce que je voulais parler au Papa Noël. Oui, c'est possible. Ah, c'est vrai, je peux lui parler? Oui. Parce que moi, j'ai ma liste de cadeaux. Et parfait, vous quittez pas, je vous le passe. Merci, madame. Oui, allô? Allô, Papa Noël? Oui. Oh, c'est pas vrai? Merci. Oh, bonjour, Papa Noël. Bonjour. Alors, moi, je t'appelle parce que, je voulais faire ma liste de cadeaux. Ouais. Je peux la faire? Ah bah allons-y, on alors, va voir ce qu'on peut faire. Moi, déjà j'ai été très très sage. Ouais, on m'étonne ça, mais bon. Mais si, j'ai eu très très sage et en plus ma maîtresse elle est très contente, alors ça va, je peux avoir des cadeaux cette année. On va voir ça. Parce que l'année dernière, j'en ai pas eu beaucoup. Mmh. Ah ouais? Oui. Ah, c'est qu'on n'avait pas été sage l'an dernier alors. Non, j'avais pas été très très sage. Alors, moi j'aimerais avoir, déjà est-ce que moi je peux rencontrer Michael Jackson? Alors, parce qu'il habite vers chez toi. Comment te dire, bon, tu es assise? Oui, je suis assise. Il est mort. Mais non, mais je sais ça, mais il habite à côté de chez toi là-haut. Oui, sûrement, oui. Ma maman m'a dit que c'était ton voisin. Bah, pour l'instant, il a dû se paumer en route parce que je ne l'ai pas croisé dans les parages. Mais... Ah, mais peut-être qu'il est sorti, peut-être faire un tour. Oh, sûrement, ou alors il marche en moonwalk et comme il n'a pas fait attention, il va à reculons et du coup, il ne risque pas de trouver son chemin. Bah, de toute façon, c'est pas maintenant Noël, alors je peux demander pour Noël. Oui, bah, d'ici là, il aura trouvé une carte routière, je pense. Ah, bah d'accord. Alors, moi, je veux bien rencontrer Michael Jackson. Ça, c'est mon rêve le plus cher. Bon, ça va, c'est pas cher, ok. Bon, d'accord. Alors, je finis ma liste quand même parce que j'ai pas envie de rater mes cadeaux pour Noël. Logique. Alors j'aimerais bien aussi avoir, et ça c'est papa qui a demandé, une poupée gonflable. Oui, bah oui, mais ça il en a déjà une, mais il l'a pas dit. Ouais, toi tu joues pas à la poupée toi? Ah non, je joue plus à la poupée du tout. Ah bon? Non. Pourtant papa il m'a dit que c'est tous les messieurs qui jouent avec ça. Oui. Ah c'est possible, enfin moi je suis très vieux donc... Ah bah même si t'es vieux, t'as le droit de jouer, hein. C'est pas interdit, moi, papy, il joue souvent avec moi, hein. Ah oui? Oh, bah ça, oui. Ça devient grave, le bon Dieu. Voilà. Bah oui, mais attends, sinon, ça sert à rien d'avoir un papy, hein. Oh. Alors, toi, tu viens à quelle heure? Ah bah, je peux pas le dire, sinon tu vas guetter mon arrivée, c'est pas drôle. Ah ouais, mais moi, j'ai peur de te rater aussi, si tu viens. Ah bah, voilà, faudrait être sage et puis bien réveillé. Mais alors, tu confirmes à papa que tu viens? Oui, bah bien sûr. Papa, bien sûr. Attends, gère avec monsieur. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes le Père Noël? Bah, bien sûr, oui. Ah bon, bah très bien. Et donc, vous venez le 25 gratuitement? Ah bah, bien évidemment. Bon. On n'a jamais vu ça, de payer le Père Noël. Ça, ah bon, bah très bien. Bah, parfait, alors. Ah, donc, vous venez le 25, vous venez vers quelle heure? Bah, le 24 au soir. Hein, le 24 au soir. Ah oui, mais bon, vous savez, la tournée est assez longue, donc je peux pas vous donner d'horaire. D'accord. Et là, oui. Je vais retourner à ma liste de cadeaux, parce que j'ai quand même pas mal de travail d'ici là. Hein. Ah oui, et donc, elle voudrait un Winnie en plus. Oui, bah, faudrait qu'elle m'envoie sa liste par courrier, là, parce que je vais pas avoir le temps de tout noter, puis j'ai pas mes lunettes, et mes lutins sont pas là pour me les donner, donc ça va pas être pratique. Oui, je comprends. Voilà. Ouais. Bon, attendez, je vous repasse, oh, la non, petite. J'ai plus le temps, là, je vais vous laisser. Allez, bonne soirée, hein. Allô? Allô? Oh, le bâtard, il avait raccroché. Non mais attends, et non seulement il a raccroché, en plus il dit le Père Noël n'existe pas, tu as l'autre qui fait non, des vannes. Non, il a pas dit que le Père Noël n'existe pas, il a dit Michael Jackson. Il est mort. T'as dit il est mort, ouais voilà c'est ça. Mais ce qui est drôle c'est qu'il prend même le père pour un con à lui dire, oui. Bah, les lutins sont pas là, excuse-moi. C'est ça. Bon, on en reparlera tout à l'heure du Père Noël, puisque tout à l'heure nous essaierons d'appeler un flamand. Ça va être drôle. Ah oui, ça, je vous confirme, ça va être très très drôle, c'est ce qu'on avait fait. C'est Sandro qui s'était amusé il y a quelques semaines là, à essayer d'appeler le Père Noël pour faire sa liste de cadeaux. Enfin bref, bon, je rappelle également que demain c'est Toff qui doit t'offrir un cadeau, Sandro. Ouais, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui, tu peux déçu. Tu peux avoir peur, ouais, tu peux avoir peur. Bon, Pamela qui sera avec nous, une nouvelle artiste rock, vous allez voir, c'est pas mal. Et puis, nous, on revient dans quelques instants, juste après la pause. Bouge pas. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. Et on est de retour dans l'émission comme tous les soirs entre 21h et minuit. Demain, le réveillon de Noël. On sera là aussi d'ailleurs entre 21h et minuit. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez venir nombreux si vous voulez sur le fanbook ou sur le Twitter de l'émission. Ça se passe sur mikl.fm. Vous cliquez ensuite sur la communauté et vous pourrez rejoindre tout le monde pour passer Noël. Justement, pour ceux qui sont tout seuls, et bien venez sur le fanbook. On est plus de 20 000 et vous allez bien réussir à trouver quelqu'un. Toff, t'as pas été salopé Non, j'ai pas de Facebook, moi je peux pas y aller. Ouais, mais ça, c'est à mon avis, c'est du coup. Ouais, comment ça se fait que t'en as pas? Si, il en a un, mais sous un autre nom, il va pas te le dire. Si, non, c'est un planqué, c'est un sous-marin. Je n'ai pas de Facebook. Beau gosse de couille Weaver. Il s'appelle Monsieur Sous-marin. Sous-marin. J'ai pas de Facebook, non, vraiment. On n'est pas à l'abri, genre, il va nous l'avouer. Non, mais tu peux chercher. Comment ça se fait? Mais parce que je passe à côté de pas mal de chattes, là. Peut-être, mais je ne comprends pas l'intérêt de Facebook. Je vais te le dire. Sur la liste. De quoi? C'est genre, parce que là on est le 23, t'as pas de Facebook, et tu dis, non, je vous assure, j'en ai pas. Alors que Sandro, qui m'a encore dit tout à l'heure, on est toujours le 23 et qu'elle a toujours reçu sa paye, et ça c'est normal. Et on garde le sourire, hein? Ouais, t'as vu, hein? Ah ouais. T'as un t-shirt Toff qui dit from MySpace to my face et qui est très équivoque, donc c'est que tu vois à quoi ça c'est sert. Vrai, ah c'est non, vrai. Mais par contre j'ai un MySpace. Personne va. Oui, les artistes à la base. C'est quoi ce truc? Il existe encore? Bien sûr, ça existe encore. Oui, c'est les chanteurs qui font ça. Sandro qui faisait son bordel avec son MySpace à l'époque, elle a pas abandonné, c'est trop dur. Comment tu peux avoir un MySpace et dire je vois pas l'intérêt de Facebook? Parce que je trouve que c'est pas du tout la même utilisation. Ah bah justement, oui, un MySpace c'est plus pour les artistes au final. Oui, parce que c'est un très très grand artiste. Pour les filles, un MySpace pour les filles, tu kiffes à faire le fond d'écran, tout ça, machin, ça t'occupe pendant une semaine, enfin un mois ou deux. Un temps, et puis après ça m'a saoulé. Bah, je te jure que ça s'est pas vu sur son MySpace. On aurait dit un MySpace handicapé. T'avais même pas mon adresse, pourquoi tu parles? Tu t'as jamais été le voir, mon MySpace. C'est pas très de Noël. Avec des photos partout, c'est toutes les mêmes. Tu non, les tu t'es confondu. Hein. Bon, allez, on va rappeler. Tu es animatrice, alors. On va rappeler, on va donc appeler maintenant. Le Père Noël flamand. Ah, puisqu'on l'avait déjà essayé tout à l'heure, enfin on vous avait rediffusé, puisque c'est Sandro qui avait il y a quelques semaines appelé les Pères Noël pour faire la petite commande de cadeaux, et donc le français avait été très désagréable. On va voir si le flamand est plus cordial. Oui. on décroche pas déjà. Il y a 8, bonsoir. Tu as beaucoup de avant? Allô? Ja, goeie avond, Nico Haapraken. Hallo, mais moi je peux parler au Papa Noël? Oui, c'est pour Père Noël. Oui, je peux avoir le Papa Noël? Oui, c'est pour réserver un Père Noël, oui. Oui, c'est pour faire ma liste de cadeaux. Et vous voulez-vous réserver un Père Noël? Bah, moi je veux que le Père Noël il vienne chez moi, à Noël, avec les cadeaux. Et à quelle date? Bah, le jour de Noël. Ouh, ça c'est trop tard à ce moment. Bah, il va pas passer chez moi avant quand même. Il a seulement le 26 décembre, ça c'est possible. Bah, c'est trop tard. Moi, je veux qu'il vienne le jour de Noël, sinon j'aurai mes cadeaux en retard. Ouais. Mais tu peux pas me passer le Père Noël? Moi, je suis le responsable pour la réservation de Père Noël. Alors, je te donne ma liste de cadeaux, d'accord? Tu la notes? À ce moment, je suis dans mon auto, c'est possible pour envoyer. Ouais, mais moi, je veux te donner ma liste de cadeaux, là, c'est tout ce que je veux. Oui, mais tu dois en faire. Alors, est-ce qu'il pourra me faire rencontrer Michael Jackson? Non, ça, c'est impossible. Pourquoi? Moi, j'ai toujours ce que je demande, il me le donne toujours d'habitude. En plus, j'ai été sage cette année. Non, pas Michael Jackson, non. Pas Michael Jackson? Non. Alors, peut-être que je peux avoir un string? Non. Non, je peux rien avoir. À ce moment, c'est impossible pour expliquer parce que je suis dans l'auto. Envoyez-moi papa, un email. Oui. C'est pas le Père Noël, c'est une enfume ton truc. Mais non, il dit qu'il a une auto et un email. Il a plus à parler au Père Noël. Monsieur, est-ce que vous pouvez me passer le Père Noël? N'est-ce pas à ce moment? Moi, je suis le contact personne de Père Noël. C'est son contacté. Alors, monsieur, est-ce que je peux rappeler pour avoir le Père Noël plus tard? Oui, mais à ce moment, ce n'est pas possible. C'est pas possible, papa, il a dit. Alors, quand? À ce moment, c'est trop tard. Il y a beaucoup de travail pour parler à... Eh bien, moi, je veux parler au Père Noël. Oui, mais n'est-ce pas à ce moment? Oui, mais tu veux pas que je le rappelle maintenant. Il veut pas me parler? Et j'ai été sage, j'ai ramené des bonnes notes, j'ai eu des bons points et des images. Et il veut pas me parler? Impossible. Pourquoi c'est pas moment. Possible? Il travaille. Mais je peux jamais l'avoir. Non, excusez. Je l'ai jamais eu, moi. Je veux parler au Père Noël. Ah là là! Quelle voix, mais putain, qu'on la flingue! En tout cas, il a été patient et gentil, hein. Ouais, le Père Noël flamand est plus gentil que le Père Noël français, hein. Les deux, ils étaient cool, mais lui, il est plus marrant. Le premier, il te prenait de haut. Ouais, c'est vrai. Il a dit oui, c'est non, c'est non, vrai, non, bah c'est oui, en français, hein. Oui, voilà. Alors que l'autre, il essayait, même c'est pas sa langue natale, sympa, tu vois. Ouais. Il essaye quand même, tu vois. Il essayait parce que c'est du business, c'est un flamand. Effectivement. N'est-ce pas possible? Mais, je suis le contact, tu m'envoies un mail. C'est-à-dire que là, je suis dans mon auto. Dans mon auto. Dans mon auto. Auto. Auto, et je ne peux pas te... Mais non. Je suis le contact, il faut que tu m'envoies un mail. Ouais. Un email. Un email, exactement. Et non, mais c'est bien, ils sont gentils, les Flamands, ils sont cool. Ouais. Bon, d'ailleurs, si vous êtes en galère pour les cadeaux demain pour le réveillon de Noël, il y a des gens, je sais toujours pas quoi leur offrir. Tu sais pour moi, parce que c'est toi qui lui offres un cadeau, je te rappelle. Cherche-moi, t'as trouvé. Oui, à qui tu sais pas quoi offrir? Mais t'es la famille, quoi. Ouais, mais qui, là, t'as fait? De la famille. Oui, j'ai un peu de famille, ouais. Ah bon? Ouais, non, je sais pas. Offre-leur une photo du HLM vue d'hélicoptère. Ah, c'est génial, ça. Un grand tableau comme ça au-dessus. Non, mais une photo de famille. Mais non, on va être deux sur la photo. Bah, tu mets dans un tableau. Ah, je peux déguiser, je peux faire semblant d'être une tante, si tu veux. La tristesse de la famille. Bah, tu sais quoi? Non, parce que on va tous se déguiser, on va mettre des fringues pourries et des perruques, et on va faire les membres de la famille du roux. Attends, je préfère pas de famille qu'une famille qui fait pitié. C'est autant, on peut faire attendre, Une famille en roux. Que des roux, ouais. Bon, sinon, donc, si effectivement vous avez des galères pour trouver des cadeaux de Noël, eh bien, nous en avons trouvé un comme ça, là, qui est tout fait, tout prêt. Énergie et les sandwichs frits Bambel présentent le nouvel album de Florent Panini. Vas-y, madame, Oza. J'aime pas cette mode du Nutella. Mais aussi des tomates. Je préfère le pain unique, les pâtes. de l'année par les gens qui ne prennent pas leur pause déjeuner. Un sandwich poulet, un poulet bien tendre, de la sauce normande, un sandwich saumon. C'est meilleur que le thon, quoique le jambon, avec du melon. C'est très très bon. Florent Panini inclut le single dans lequel il se venge d'un agent du fisc qui voulait lui taxer son sandwich. Oui, bien sûr, vous pouvez manger, puisqu'ici tout est digérable, mais vous n'aurez pas le panini fromager. Florent Panini, bientôt en concert à Juan-les-Pins. Et si c'est mauvais, n'oubliez pas les tomates. Oh, bah, ça va être bon, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Et ben voilà, je sais ce que je vais offrir à ma famille, un album de Florent Panini. Ah, bah, très bien. Pas, moi, ça va. Non, t'inquiète, j'ai beaucoup mieux. Ah, a... tu sais, l'as su choisir avec goût. Non, pas du tout. Si, t'as fait. Et genre, tu t'as. Non, t'as j'allais dire qu'il avait su choisir avec goût ton cadeau, c'est ah ouais, d'accord, ok. Bon, le roux est un homme de goût, c'est... Je... tout le monde le sait. Ouais, c'est ça, ouais. Un homme des goûts. Oui, un homme des égouts. Si j'ai un autre album à t'offrir, mais plus tard. Peut-être demain, peut-être demain. Ça va être ouais, de la demain, merde. On va le mettre demain. Oui, ouais, ça sera de la merde. C'est ça, c'est ça. Bon, allez, on va revenir dans un petit instant avec le jeu des amis. Yes, Pamela Hutt. Pamela Hutt également, ou Hutt. Enfin, on lui demandera comment est-ce qu'on l'appelle. Hein. Et puis, jeu des amis, si vous voulez vous inscrire, donc 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez amis avec votre numéro de téléphone. Bonne résolution de Michael sur Énergie. Commencer l'émission à 21h et non, on peut pas trop se mentir sur les bonnes résolutions. De toute façon, on les tient jamais. 21h, Michael est sur Énergie. Et on est de retour sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit. Spécial Noël avec les cadeaux que nous allons offrir. Et dans quelques instants, c'est Micha qui va offrir son cadeau à Polo du Polochon. Ah, ça va être tout pourri. Je sais pas. Mais si, il est pauvre. Je suis quand même curieux. On verra ça dans quelques instants. Je suis pas très riche. Bon, avant ça, on va faire le jeu des amis maintenant avec Pierre qui a 19 ans de Troyes. Salut Pierre. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment ça va? Bien, bien, et vous? Bon, bah oui, ça va bien, oui. Bah là, tranquille, hein, cadeau, tout ça, machin, la fête, quoi. On bouge? Oh! Quoi? Donne-moi ce fusil. Il me tire dessus, oh! Donne-moi ce fusil. Prends-lui, bordel! Alors? Mais qu'est-ce que tu fous? Il est connard! Il n'y en a plus, gros, c'est fini, il n'y en a plus. Allez, reste un, ouais. C'est pas très esprit de Noël, ça, du coup. Voilà, terminé, basta. Bon, on va donc pouvoir jouer au jeu, les amis, maintenant. Pierre, tu veux qu'on appelle qui? Jade, Jérém ou Lydie? Jade, d'accord, ok, très bien. Tu t'es déjà faite? Comment? Tu te l'as déjà faite? Non, jamais. Jamais? C'est qui? C'est une copine? Oui. C'est du gâchis! Ah oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Tex? C'est du gâchis! Ah oui. C'est du gâchis, ah oui, d'accord, ok. Oui, mais il a un accent bizarre hein, sur le coup. Hein. Bon, on y va, on appelle Jade et on lui pose les 10 questions. S'il répond bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Allez. D'accord. On y va. C'est parti, ce serait bien de gagner l'esprit de Noël. Objet de désir et de plaisir, particulièrement efficace dans un lit. Oui, c'est ça, oui, Tex. Allô? Allô, Jade? Allô? Bonjour, Jade, comment ça va? Ah, il va vous croquer. Enfin, oui. Bon, Jade, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Ça va? Oui. Combien de mesures je t'appelle? Tu me lâcherais? Oh, bah dis donc, Tex. Oh, c'est dégueulasse, Tex, tu me lâcherais. Jade, combien mesures-tu? 1m55. Combien pèses-tu, Jade? 47. Quel est ton tour de poitrine? C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. 85D. Et la tête du dernier pantalon que tu as acheté? 36. C'est très très bien. Je vais t'aider au jeu des amis et je te reprendrai en antenne après. Oui, bien négocié, c'est ça. Bon, allez, on va donc jouer au jeu des amis, Jade, puisque on t'appelle spécial Noël. Et on t'appelle avec Pierre qui est dans le standard. On va te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Allez, attention, on y va. Pierre, tu peux dire bonjour. Hein. Salut, Jade. Ah voilà, parce qu'elle n'avait pas l'air rassurée, tout ça. C'est tout trop non plus. Mais je pense qu'il aimerait bien lui mettre une cartouche. Oh. Comment elle est bonne? Bon, oh, allez, on y va. Première question, top. Quel est le dernier livre qu'il a lu? Oui, oui. Stargate Atlantis. Non, Twilight. Non, Twilight. Ouais, c'est dommage. Quel est son objet porte-bonheur? Une croix. Oui, oui, c'est une croix, oui. Effectivement. Oui. C'est pour se protéger des vampires. Quelle est la position voilà. sexuelle préférée ou qu'il aimerait bien faire avec toi, par exemple? je passe. Le missionnaire, hein, t'as raison de passer. Ah ouais, passe, hein, parce que. A-t-il déjà eu une relation homosexuelle? Oui. Oui, effectivement, oui, on est d'accord. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il? 3 fois. 3? Comment tu sais? Parce que c'est moi qui le branle. Ah, parce que vous en parlez? Bah oui, d'accord, ok. Quelle partie du corps l'attire le plus chez un homme? Ses yeux? Non, son cul. Ah, tu aimes les hommes qui aiment les hommes, Pierre? Oui. Hein, oui, ah, d'accord, ok. Bah oui, c'est mieux. Mais c'est non, mieux. Mais c'est pour ça, d'où la question, évidemment. Bah oui. Quel est le prénom de sa première meuf? Marie. Mais alors, depuis quand tu aimes les hommes qui aiment les hommes? C'est une bonne réponse, hein. Mais depuis quand tu aimes les hommes qui aiment les hommes? Et moi? Ouais. Ça fait pas longtemps. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Comme il y a eu de Noël. D'où la Marie qui arrive, mignon. Effectivement, d'accord, et qui est très bien, très bien, très bien. Bon, quel est son style de musique préféré? R&B. Ah non, le rock, hein. Alors, par contre, ça ressemble pas du tout, hein. D'ailleurs, j'en profite, michaelrock.com. Hop, station. Non, l'adresse est michaelrock.com. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est michaelrockstation. Bon, enfin, bref. À quel âge as-tu eu sa première relation sexuelle? 17 ans. Bonne réponse. Oh, allez, encore une bonne réponse et c'est gagné, sinon c'est le drame. Roulement de tambour. Quel est son plat favori? Un indice, ça ressemble à Sandro. La quiche. La quiche, bonne réponse. Le plus drôle, c'est qu'elle a trouvé direct. C'est ça ou la dinde? Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Bon, ben bravo, c'est bien pour l'esprit de Noël de gagner. Non, ça fait plaisir, vraiment, jingle vraiment. Jingle bells, Wayne. Bah ouais, pourquoi tu sais ce que... Chili, tu sais ce qu'il faut dire, toi? Non, mais moi, j'allais pas finir comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Pierre et Jade, bravo à vous deux. Merci. Et joyeux Noël, Merry Christmas. Merci. Elle a pinoyé. Et vous retournez chez Michel au standard, d'accord? D'accord. Il y a un truc en trop. Non, il n'y a pas de truc en trop. Non, il n'y a pas de souci. Il va peut-être y en avoir un en trop dans quelques instants, puisque c'est à ce moment précis que Micha va donc offrir son cadeau à Polo, puisque je vous le rappelle, il y a quelques semaines, on avait fait un tirage au sort dans l'espèce de vieux bonnet du roux là. Neuf. Enfin, il était déjà bien crassé. Sale, mais neuf. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, on avait fait le tirage au sort et chaque personne de l'équipe doit offrir un cadeau à une autre personne de l'équipe. Moi, par exemple, j'avais tiré au sort Pedro et donc là, c'est Micha qui avait tiré au sort Polo du Polo Show. Alors, on a eu Micha, la chance, le privilège. Alors. Et l'honneur. L'honneur. Alors. Grand, viens. J'arrive. Allez. Si c'est pas beau, je te massacre avec ça. En tout cas, c'est un vieux sac plastique, genre quand tu vas à Clignancourt aux puces, ils te les donnent. Voilà, alors tu verras que j'ai fait l'emballage cadeau moi-même. Ça te demande en mariage, là. Je me suis débrouillé. Allez, vas-y. Avec les moyens du Micha. Voilà, déjà le paquet cadeau est à la hauteur du personnage. C'est un vieux public. Alors, il y a des meufs déjà, c'est pas mal. Des meufs en soutif et voilà. Tout, c'est pas mal. Donc, je vois ça comme un service. Ouais, t'aurais pu en mettre un peu moins quand même là. Oh là là. Ouais, t'as que du papier. Ouais, c'est ça, il y a que du papier. Ah non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un grand service à la communauté et à toi-même. Surtout à c'est quoi? C'est un masque de terroriste. Une cagoule. Mais c'est ta gueule. Mais vas-y, mais alors effectivement, oui, on achète ça à Clignancourt. Tu vois, c'est drôle. Ah putain, on dirait un indépendantiste. Je sais pas d'où, mais à Corse, hein. Ouais, d'où il veut. Tu prends le polo chaud comme ça. Un indépendantiste. Oh là là, enfin, un catcheur. C'est horrible. Mais ça, fais gaffe, hein, tu bon, peux. Oui, c'est un cadeau. Faut pas le porter trop souvent parce que si tu te trimbales avec ça en rue, tu peux te faire arrêter. Ah, je te confirme. Oui. Mais là, ça va, c'est pas couleur noire. C'est pas couleur noire comme si c'était un terroriste, c'est couleur d'armée. Oui. Militaire, ouais. Ouais, c'est couleur militaire, effectivement. Ah, ouais. On s'embrasse Non. Ah, je lui dis bisous. Pas... Bon, bah, hein, allez. Oui. Bon. C'est un bisou un peu timide. Hein. La bouche, hein. Ah, c'était mignon. Ah. À toi, Polo. Non, c'est Noël. C'est Noël. On dirait des vrais gonzesses. Ah, ah non, crache dessus, oh. Ah, bouffon. Excusez-nous, on est en pleine soirée pyjama. Par contre, je sais pas où t'as mis ça, mais ça pue sa mère. Ah là là, écoute, sans ça. Mais bon, c'était esprit de Noël et ça fait le cadeau. Cher. Même le roux est choqué. Ouais, t'as dû payer ça combien, franchement. Je suis déçu. Une fortune par rapport. T'as acheté ça pour d'Italie. C'est ça, ouais. Je suis déçu parce qu'en fait, Micha m'avait promis. de m'acheter un... Non, il n'y a pas le prix. Il m'avait promis de m'acheter un petit chapeau avec une petite hélice dessus. Oh, et ça, je l'aurais porté avec plaisir. Ça fait plus de temps, il faut les commander. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais enfin, c'est bien, c'est bien. Polo est content. Ça, je vais me branler avec les trucs du public. Tu mettras tout dans le sac. Bon, allez, on offrira encore d'autres cadeaux tout à l'heure. On fera le tour, bien entendu. Et je rappelle que depuis 21h, on le dit, le roux sera le dernier. Ouais, ouais, merci beaucoup. Bah, tu nous as tellement fait chier avec ton cadeau, là, c'est tu l'auras le dernier. Et tu pour l'instant, dernier. Je peux vous dire, ce sera le meilleur cadeau. T'enflamme pas non plus. Bien. Je sais ce que c'est, donc. Bah oui, alors, et ça se trouve, il y en a par deux. Par rapport à tout ce que j'ai vu ce soir. Ouais, bah, il y a eu deux. En même temps, il y a eu deux, si tu veux. À moins que mon ado sera le plus gâté. Bon, un cadeau, je pense. Non, mon ado, l'ado, le roux. L'ado de l'équipe, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'ado de l'équipe. Notre ado. Nickel, je suis même pas un ado. Bon, allez, on revient dans quelques instants, on ouvrira encore d'autres cadeaux, et puis, bah, on est là avec vous ce soir, bien entendu, pour cette soirée de Noël, pour tous ceux qui se font chier, parce qu'en général, c'est vrai que la soirée, le réveillon de Noël, c'est en général en famille, donc forcément, il y a toute la famille qui arrive, les vannes de merde, la famille, tu sais, qui, le vieil oncle qui arrive, et qui fout la bite, tu sais, qui pend au plafond et qui tombe. Il fout la quoi? Il lance une espèce de bite gluante qui tombe. Et alors, ça les fait rire. Ça tombe sur mémé. Ah, mais si, c'est connu, hein. Ah bon? Ah, il y en a plein, hein, si. En Belgique? Bah non, pas spécialement en Belgique. On jette des bites en Belgique pour Noël. Mais non, mais des bites, ça, c'est une forme de bite. C'est un truc qu'on trouve dans les farces à trappe, ça colle au plafond et puis ça retombe. Et ça fait rire tout le monde et c'est naze. Ah oui, c'est j'aimerais bien découvrir ça. Je comprends pourquoi tu veux absolument faire la radio le jour de Noël. C'est ça, t'as raison, t'as raison. Bon, allez, on revient dans quelques instants. Ne bougez pas, vos messages au 612 débutés par Énergie ou alors sur mikl.fm. Bouge pas. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. C'est moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mikl revient juste après ça. Et on est de retour comme tous les soirs sur Énergie entre 21h et minuit. Les messages que vous lâchez toujours, bien sûr, au 612 en débutant par Énergie ou sur mikl.fm. Il y a aussi le fanbook et Twitter, hein, si vous voulez nous rejoindre, c'est mikl espace NRJ. Et puis ce soir, on reçoit Pamela. Alors, je sais pas si on dit hut ou hut comme la pizza. Ouais, c'est un peu comme tu veux, en fait. Ah, d'abord, puis c'est pas Pamela hut, alors. Ah, très bien. Ouais, c'est dur, voilà. Mais bon, okay. Je préfère l'autre. Ah, Pamela hut, c'est comme tu veux, je préfère l'autre. Ok, bah alors je dis hut. Rookie et Pamela hut. Bah sûrement celle qui a inventé les pizzas. Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, on te l'a déjà fait la vanne. C'est assez ouais. Classique. Ouais, bon. Non mais ça fait 15 jours qu'on sait que tu vas venir. Ça fait 15 jours qu'il dit il faut que je fasse la vanne. Ouais, non. Non mais ça va. Hein. Aucun problème. Mais il est gentil. Hein. Il est gentil. Il a l'air. Il a l'air. Voilà donc Pam et la Hutte. Donc c'est un trio composé de Pam, Igor et Ernesto. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous êtes français. Enfin, oui. En tout cas, vous parlez en français. Oui, après, oui, moi j'ai un peu des origines anglaises. J'ai une partie de ma famille qui est anglaise, mais effectivement, j'ai. Ah, d'où l'accent dans la chanson, d'où le bon accent dans la chanson, quoi. Bah, enfin, de toute façon, chanter en anglais, c'est quand même mieux de savoir parler anglais, sinon. Ah oui, oui, ah, bah, clairement. Ouais. Non, mais après, t'as ceux qui essayent de chanter en, ouais, tu vois, qui malgré tout ont un petit problème d'accent, quoi. Hein. Bon, donc on reçoit pas mal de groupes français là. Ils chantent tous en anglais. Alors déjà, il y a une raison pour avoir choisi l'anglais par rapport au français. Ça sonne mieux. Oh ouais, hormis ça, mais oui, je veux dire, après. Non, c'est vraiment une histoire de culture musicale aussi, c'est-à-dire que moi j'écoute que de la musique anglo-saxonne globalement. D'accord. Et mes petits camarades aussi. Ok. Donc, naturellement, voilà. D'accord, très bien. Alors on va essayer de vous connaître un petit peu mieux parce qu'on a cherché pas mal sur internet pour avoir des infos à gauche, à droite. Et c'est vrai qu'on n'est pas tombé sur des trucs. Qui aura pu nous servir, par exemple. Ah, voilà, oui, je veux dire, voilà, ouais. Donc, on va faire le célèbre interview, la célèbre interview qui est le plus. Alors, bien entendu, il suffit pas de balancer gratuitement, il faut expliquer à chaque fois pourquoi. Donc, dans le groupe, puisque vous êtes trois, donc, comme je le dis, Pam, Igor et Ernesto, qui est le plus mal habillé? Bon, évidemment, tu peux répondre toi, puisque eux gèrent le matos pour le live. Oui, c'est vrai, ils sont pas là pour. Non, mais c'est pas grave, Tu peux balancer, tu peux même dire toi, mais éventuellement, pour n'importe quelle question. Moi, j'ai progressé, mais à une époque, c'était certainement moi, ouais. Parce que tu as quand même un t-shirt Sonic Youth, ça, j'ai vu, hein. Oui, mais ça j'assume. Non, mais c'est bien, il n'y a pas de mal, t'inquiète. Hein, t'inquiète. Mais c'est vrai que sinon les trois ont un peu le même style vestimentaire. Je ne sais pas si c'est juste là pour l'occasion ou pas, mais. Non, c'est un peu le même style. Non, c'est pas particulièrement habillé. Oui, oui, c'est les lunettes, ils m'ont copié. C'est toi qui donne le côté. À Flelou, c'est ça. On n'est pas sponsorisé encore. Ils avaient une réduction. Non, mais c'est pas mal. Trois paires de offerts. Non, on est aveugle en fait, on est vraiment. Qui est le plus emmerdeur? Ça, c'est moi, c'est sûr. C'est toi, c'est sûr. Quoi? D'accord. Ah bah c'est une femme j'imagine. Peut-être oui, ça peut être sa raison. Non parce que je suis un peu dur et un peu Bismarck. Ouais. Bon, qui est le plus sympa? Igor. D'accord. L'autre non alors. Il est là, il est hyper content. Mais viens, Igor. Mais attends, j'attends les autres questions. S'il y a pas, ouais. Non, mais oui, voilà, sale-toi là. Parce qu'il nous a dit non, je peux pas, je dois préparer le live et tout. Et en fait, il faut rien, il est assis. Là. On a un peu le matériel là. Oui, bah oui. Ils sont rodis aussi. Bon, ouais. Qui est le plus peureux? Ah bah ça, on sait, non? C'est Ernest. Ernest. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il... Parce qu'il n'est pas là. Ouais, déjà, exactement. C'est ça, c'est juste toujours ça. Ça. Voilà, c'est ça. Il a vu le micro, il s'est barré. Hein. Voilà, ouais, il est parti. On sait pas où il est. Bah, bon. Qui est le plus dingue? Igor, vas-y, réponds vite. Tac au tac. Le plus dingue, Ernest. Ernest aussi, d'accord. Bon, les absents toujours tort. Qui est le plus généreux? C'est dur hein, quand même ces questions. Ah non, mais bon, il faut qu'on. Mais c'est pas nous, c'est quoi généreux dans quel. Dans généreux, dans gentil, juste financièrement, non, c'est moi. C'est moi. Ah, c'est... Je les invite toujours à dîner. Ah ouais voilà. Ça, je confirme. Trop de bonté, tu l'as bonté. C'est celui qui a le plus envie d'aller dîner en fait. Ouais, aussi, ouais. On a ça. Tous faim. C'est ça. Ou c'est celui qui est le plus seul et qui préfère payer pour que les autres viennent avec lui. Voilà, pour pas être seul. Qui est le plus radin? Oh non, personne n'est radin là. Personne? D'accord, chez nous, c'est roux. Ah, c'est oui. Clair et net. Hein. Ah, il y a à l'unanimité, pardon. Ah, non, pauvre, ça se joue. On le découvrira plus tard, je pense. On sera très célèbre. Voilà, parce que je vous. Il lâchera rien. Et quand vous serez très célèbre, on en parlera. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui est le plus dégueulasse? Celui qui mange mal, qui fait. Ernest. Qui pense au cul. D'accord. Et enfin, qui est le plus parano? Je mets déjà Ernest. Pamela. C'est celui qui fume le plus. Ouais, ok, j'accepte. Parano, c'est toi. Genre quoi? T'es toujours en flip? Genre, tu vas faire un concert, t'es toujours persuadé que ça va mal se passer? Non, pas à ce point-là, mais je suis un peu angoissée de nature, ouais, mais ça va. D'accord, ok. Bon, très bien. Bon, vous venez sortir votre premier single, donc Don't Help Me, qu'on avait fait découvrir il y a quelques jours dans l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous raconter vos débuts? Je sais qu'apparemment, vous avez pas mal galéré. Même si on est encore au début au final. Hein, mais... On est toujours au début, ouais. Galérer, pas vraiment, mais c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on joue ensemble. On a un line-up un peu différent. Maintenant, depuis 2 ans, on est tous les 3. Et on arrivait un peu au bout d'un cycle. Et puis finalement, on a signé avec un label, ce qui a simplifié beaucoup les choses. On s'est arrêté avant de rentrer vraiment dans la phase galère. Donc je dirais pas qu'on a galéré, c'est un peu injuste pour d'autres groupes qui passent 10 ans à tourner, à user leurs instruments et tout pour finalement pas grand chose. Voilà, nous on est là déjà, et donc c'est chouette. Ouais. Oh bah oui, mais c'est clair. Et la sortie de l'album, c'est pour quand? Il y a déjà une date de prévu? Il est prêt? Il est complètement prêt. Non, je pense qu'il va sortir mars, avril 2010. C'est pas très clair, entre février et avril. Quoi. Et c'est quoi le titre de l'album? Total Tales. From overseas. Alors, roue traduction, puisque tu es quand même le grand spécialiste de la langue anglaise. C'est les contes de la tortue d'outre-mer. Ouais. Ah oui, enfin, il fallait pas l'aider. Ouais. C'est très bizarre alors, comme nom. Hein. Ouais, fais-le. C'est bizarre, hein. Ça veut rien dire, voilà. En fait. Bah, si, il y a quelque chose. Tu viens de le dire. Non, mais est-ce qu'il y a une vraie signification? Il est radin, mais il est un peu con aussi. Hein, c'est pour ça, voilà. C'est juste quota. Du délire. Non, en fait pas vraiment. Déjà la tortue c'est un, enfin la base un animal. Oui, bravo, effectivement c'est un animal. Mais je croyais que c'était un hommage à Christophe Willem. Ah bien, joli. Ouais, mais non mais c'est un animal qui vit vieux et qui trouve une dimension un peu mystérieuse. Et à la base c'est parti des contes d'outre-mer parce qu'on toutes les chansons sont un peu traitées de cette manière-là. On a enregistré dans une grande maison tout seul pendant une dizaine de jours et il y avait vraiment une ambiance spéciale et en fait ce titre un peu à force de chercher des associations de mots, ça, il y a un truc qui marche quoi. Alors roux, répète-le en anglais pour voir au niveau de l'accent. The Total Tales of All Seas. From All Seas. On y est presque. C'est bon pour voir. J'ai pas écouté. Oh là. Total Friends, something. Oui, Total Friends. Oui, les amis tortues. Bon, j'ai vu aussi sur l'album, vous aviez tout fait vous-même. Pourquoi pas avoir pris de la main d'œuvre extérieure? Parce que ça coûte cher, que le label voulait pas payer. Nous-mêmes, c'est-à-dire, tu dis, on joue nous-mêmes. Oui, enfin, vous avez écrit, composé, joué, produit, enfin. Parce quoi. Que, enfin, ça fait le projet existe comme ça depuis le début. On fait tout nous-mêmes. On a un ingé son génial qui nous suit partout. On est bien, on est en groupe, on est des tortues. T'as la famille, oui, c'est les tortues groupe. On va l'appeler le groupe les tortues ninja. Alors. Ouais, mais. Ça fait un peu années 90. ouais, ça aurait pas donné pareil, je pense. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait fouillé un petit peu partout pour trouver des trucs sur toi, Pam, et on était un petit peu en galère. Donc, on a encore quelques petites questions afin de mieux te connaître. Je vais les poser dans quelques instants. Le temps de faire le live. Puisque tout est prêt. Parfait. Avec Don't plaisir. Help me. Bah, j'espère. Ça fait chier parce que là c'est le 23, j'ai encore les cadeaux achetés, tu veux. Donc il y a un moment, il va falloir que je m'en aille très très vite. Donc Don't Help Me. Alors en full live et ça fait plaisir. Vous êtes les deuxièmes seulement depuis qu'on a ce studio aussi. Ça va faire un an, je crois, en février ou en mars. C'était Madina Lay qui l'avait fait le premier. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Pas du tout. Groupe de Chicago, groupe de rock américain forcément, qui avait fait du full live et ça avait pas mal donné. Donc je propose qu'on vous laisse maintenant jouer donc en live et en full live, puisque c'est l'expression préférée de Polo, full, hein. N'est-ce pas, Polo? Oui, oui, oui, très bien, oui. Bon, on y va. Pamela Hutt, maintenant, avec Don't Help Me. Et nous sommes en full live, donc, de Pamela Hutt. Alors, pour ceux qui ne voient pas la différence entre le full live et le normal, d'habitude, les gens viennent juste avec une guitare acoustique. Et donc là, il y avait tout, la guitare électrique, il y avait aussi la batterie, il y avait aussi le... Oui, exactement, les claviers qui étaient là, donc... Ouais, non, mais d'accord, mais tu sais... On a dû faire sauter la moitié des spectateurs. En l'occurrence, il en reste une demi, donc c'est dommage. Bon, Pamela Hutt qui est encore avec nous ce soir, avec Igor et... alors, on ne sait pas où est Ernest Mishka. Bah, il cherchait à boire tout à l'heure. Il cherchait un bar tout à l'heure. Donc il est en train de se balader. Je cherche un bar. On lui a expliqué qu'il n'y en avait pas. Tout ce qu'il y a, c'est une machine. Hein. Il est assez volontaire. S'il est dans l'ascenseur et qu'il m'entend, il suffit qu'il tape sur la machine, ça marche. Hein. D'accord. Ça tombera tout seul, il n'y a pas de problème. Oui, mais ce serait pas fait chier aller dans un bar pour boire un coca. Ah, attendez. C'est pas faux. Ah, mais voilà, une ombre. Très bien. Une ombre apparaît. Bon, Ernest, t'as trouvé. Un bar. T'as trouvé le bar ou pas? Oui. Ouais. Roger à côté. Hein. Ah, Roger. D'accord, ok. Bonsoir. Bon, bonsoir. Qu'est-ce qu'ils ont balancé sur toi? Alors, attends, tu veux que je te le dise? Attends, parce que j'ai noté tout ça. Alors, tu es radin, fou. Tu es peureux, tu es dingue. Tu es, radin également. Tu es le plus mal habillé. C'est ça, Olaf. Tu m'as dit n'importe quoi. C'est ça le problème, c'est que tu es en train d'essayer de faire exploser le groupe là ce soir. On va se fitter ce soir en direct. Voilà, avant la sortie. Voilà, ce serait dommage. Ce serait dommage. Bon, donc Pam, on l'a fouillé. Comme je le disais juste avant la live, un petit peu partout pour trouver des trucs sur toi. Donc, on n'a pas trouvé grand chose. Donc, on va te poser les questions clairement en fait. Hein. Est-ce que, comme toutes les femmes, ou en tout cas une grosse partie, tu dors en pyjama? Non. Bon, d'accord, ok. Mais tu dors comment? C'est ça qui est important. Ah, je me demandais si quelqu'un allait en pyjama. Bon, alors. Non, je dors toute nue. Ah, mais ça m'intéresse. Je pense qu'on peut s'arrêter là maintenant. Mais voilà, vous avez l'information essentielle. C'est ça, c'est le pull, Toff. Je t'avais dit, il passe pull. C'est pas grave, moi je l'aime bien. Ah bon, bah très bien. Est-ce que, comme toutes les femmes, tu détestes le foot? Oui, franchement, oui. D'accord, ok, très bien. Est-ce que, comme toutes les femmes, tu pleures devant un film romantique? Ça dépend. Ça dépend lequel, le dernier comme je, ça je pleurais beaucoup, je pleure un peu moins maintenant, je me suis un peu choquée. Genre plus Titanic, coriace, Titanic, t'as pleuré? J'ai pas vu Titanic. Bravo, c'est bien. J'ai pas très envie en fait, mais bon, c'est pas trop mon genre de film. Okay. Bienvenue chez les ch'tis, t'as pleuré. Oui, j'ai pleuré. Ouais. Est-ce que, comme toutes les femmes, tu passes beaucoup de temps à faire du shopping? J'achète des guitares, mais finalement, c'est aussi du shopping, donc oui, je te réponds. Et ça prend plus de temps encore, parce qu'il faut l'essayer, l'accorder. Non, alors moi, je l'achète sans essayer, moi, c'est ma grande passion. C'est la gueule de la guitare qui te fait que... complètement. D'accord, ok. Est-ce que, comme toutes les femmes, tu mets 3 heures avant d'être prête, avant d'aller à un rendez-vous? Ça dépend du rendez-vous. Ici, là, bon, je ne suis pas douché, là. Est-ce que, comme toutes les femmes, tu tombes toujours amoureuse des sales cons? Non. Non. J'espère que ton mec n'est pas dans le groupe. Parce que... Est-ce que, comme toutes les femmes, tu rêves de rencontrer le prince charmant? Je sais pas, non, pas spécialement. Le prince charmant, non, je le trouve assez chiant, le prince charmant. En fait. Ah bon, bah d'accord, ok, très bien. De toute façon, c'est un salaud, il se barre toujours avec une autre à la fin. Non, mais c'est bien, bonne réponse en règle générale. Hein. Donc, toujours en fouillant sur l'aide, j'ai vu que t'étais pour la loi Adopi. Oui, alors... Ah, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que ça a été... On a dit qu'on dirait pas Adopi. Depuis que j'ai signé avec mon label, j'ai changé d'avis. C'est pas ça. En fait, pro Adopi, c'est un peu loin. Je suis assez d'accord avec le fond, pas tellement avec la forme. Voilà. D'accord. Donc, je vais pas brandir un étendard pro Adopi. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai souci et un vrai truc à faire. Et je pense que, d'un point de vue l'éducation un peu des gens, c'est une loi qui va avoir un impact. Maintenant, la forme reste assez. Donc, ils ont eu une bonne idée, mais ils ont fait. On va voir ce qui se passe. Mais je pense que ça, ouais. Pour le moment, ça s'annonce pas très bien au niveau de la forme. D'accord. Et alors, justement, vous utilisez pas mal Internet pour la promo. L'album, il va sortir physiquement parce qu'il y a plein de groupes qui ont arrêté ça et qui le sortent que sur iTunes et tous les sites de téléchargement. Il va sortir physiquement et on est tous super attachés. À l'objet physique, notamment CD. Plus au vinyle d'ailleurs, il sortira sans doute en vinyle. Il sort en vinyle? Ouais, enfin en édition limitée. Mais ça coûte plus cher à l'heure d'aujourd'hui de presser un vinyle? Ah oui, je pense. Ouais, surtout c'est les petites quantités, c'est ça le truc quoi. Donc c'est assez cher à cause de ça. Et non, non, pour l'instant, ouais, il sort en, évidemment bah, tout en virtuel et en physique. D'accord, ok. Bon, vous avez gagné le prix de la découverte de l'année au Time Awards Paris. Alors, c'est quoi ce prix? Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que... Bah, je sais pas très bien. On l'a, il est sur la cheminée, mais je sais pas à quoi il sert. Il était très beau, c'était notre premier prix. On était très très émus, surtout Igor qui pleurait un petit peu au moment de la remise des prix. J'ai pleuré en montant sur scène. Oh, c'est beau, mais vous savez pas ce que c'est? Non, mais en fait, c'est un salon des indépendants, autant pour les pros que pour les musiciens. C'était la première année qu'ils faisaient ça. Et donc, ils ont créé un truc de nomination avec des prix. J'ai pas tout compris à qui était le jury et tout. Nous, on a été donc nominés. Voilà, et donc du coup, on est allé à la fête de remise des prix, on nous a remis un prix. Au prix, au final, le principal, c'est de gagner. Hein. Oui, oui, non, mais c'était une super surprise et tout, mais voilà, le truc est un peu flou, quoi. D'accord, bon, en tout cas, cette année, c'est déjà trop tard, mais qui c'est l'Energy Music Awards 2011 On est sur les starting blocks. On accepte l'invitation avec plaisir. Ah ouais, merci. Écoute, je t'aurais bien invité, malheureusement, moi-même, je n'ai pas de place, si tu veux, donc c'est compliqué. Hein, mais dans tous ces trucs-là, l'important, c'est pas la récompense, c'est les petits fours et le champagne. Oui, oui, oui, bah oui, oui, surtout. C'est d'ailleurs surtout ça qu'on nous invite plus, nous. Ouais. J'arrivais affamé. Non, mais sans moi, plutôt, en général. Hein, mais bon. Bon, on sait que vous allez réussir, en tout cas, on vous le souhaite, et à devenir célèbre aussi, tant qu'à faire. Mais petite autre petite question, par rapport à iTunes, justement. On sait que iTunes c'est très très scindé puisqu'il y a des stores aux États-Unis, France, Belgique, etc. L'album sera dispo sur tous les iTunes stores ou sans que doute, sur le single est dispo monde partout. Ah d'accord, ok. Donc l'album certainement aussi, voilà. D'accord, parce qu'il y en a plein qui pleurent. Moi en premier, parce que maintenant j'ai un compte américain, mais il y a plein de trucs qui sortent là-bas, ouais, et ici, on cul comme d'habitude. Bon, après, c'est des histoires de négociation, ça peut être un peu décalé et tout, mais l'idée, c'est effectivement de développer le truc au-delà des frontières françaises, quoi. D'accord, ok, très bien. Alors que les Américains, ils se plaignent pas du tout de pas avoir les rappeurs français. Hein. Non, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Bon, alors, on va faire une petite interview, petite dernière, là, l'interview riche et célèbre. Rich and famous. Alors attention, est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous cracherez sur vos fans? Ouais. Les garçons, non, je pense que les garçons, non. Non, toi, oui, alors. Pas avec la bouche, quoi, les garçons. Je sais pas, moi, oh, si, on crachera sur vos C'est pas mal, c'est un truc de rockstar, ça, quand même. C'est rock, c'est grogne. C'est pas mal. Bah oui. Ouais, mais j'aime pas cracher, moi. Non, bon, bah, tu peux faire autre chose. Quoi, mais dans l'esprit, non. On entrera pas dans le détail, quoi. Est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous casserez vos guitares sur scène? Non. Ah non, pas la guitare, hein. Ah, et la batterie, peut-être, hein. Oui, la batterie. Mais pas la guitare. Est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous ferez une sextape pour faire parler de vous? Je sais plus. C'est déjà quoi? Sextape. On l'a déjà préparé. Ouais. En fait. C'est une vidéo porno amateur. Ah oui, c'est déjà fait. Ça, il y en a. Je ne suis pas au courant, j'apprends des choses. Ça sort en édition limitée, c'est un bonus sur le CD. Hein. Oui, avec le vinyle même, à la limite, pourquoi pas. Est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous irez en centre de désintoxication? Comme tous les riches et célèbres, au final. C'est déjà fait aussi. Ah, c'est déjà fait aussi. Ouais, ils n'ont pas attendu d'être riches pour celui-là. Très bien. Est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous vous droguerez parce que c'est bien vu dans le showbiz, au final que... Et puis c'est bon. Voilà, je crois que tu as toutes tes réponses. C'est parfait. C'est journal notre buzz. Hein. Voilà. Est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous refuserez d'aider les jeunes groupes? Oula. Oui, on a cassé un morceau, je suis rien, vous inquiétez. Non, au contraire. Non. Alors efface les choses. On veut pas là. Est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous poursuivrez vos fans parce qu'ils ont téléchargé vos morceaux illégalement? Ah non. Non? S'ils sont des fans, ils téléchargeront pas illégalement. Oui, c'est une manière de voir les choses, c'est vrai. Après, il y en a plein qui sont fans et ils cherchent quand même, hein, illégalement, mais bon. Non, écoute, les fans, on aime les fans. On en a pas beaucoup encore, mais. Non, mais. On les aime. C'est pour ça que tu les aimes pour l'instant. Mais peut-être, voilà. Peut-être, non. C'est chouette. Ils ont pas téléchargé, tu leur as donné l'album. C'est vrai. Et est-ce que quand vous serez riche et célèbre, vous irez vivre aux États-Unis en disant que la France est de la merde, etc.? Aux États-Unis, peut-être pas. Alors, en Angleterre ou ailleurs. Hein. Ouais. Vous n'allez pas aller en Angleterre? Ah non, Angleterre, il fait toujours moche. Déjà ici, alors l'Angleterre, c'est encore pire. Moi, j'ai bien envie de m'expatrier, oui. Où ça? Graceland, moi. Où ça? J'achèterais bien Graceland à Memphis. Ouais. Écoute, pourquoi pas. C'est quand même une bonne réponse. C'est vrai. C'est vrai que tu vois pas grand. Oui. Non, pas du tout. Bon, est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue en France dans les jours, semaines, mois? Non, mais on part chez Roger, oui. Non, il y a une tournée qui est prévue. Oui, on n'a pas encore on a rien à annoncer au niveau des dates, mais on va bouger un ça peu. Ça va venir. Il y a un site internet où on peut suivre. Oui, bien sûr, sur MySpace, sur le site internet. D'accord, pamelahut.com, d'accord. Et sinon, musicalement, vous écoutez quoi en règle générale? Plein de choses, qu'est-ce que elle dit des moi. Choses récentes, on va dire, on aime bien Franz Ferdinand, les Arctic Monkeys, les Dead Weavers, bon, pas monter dans le temps après. Ouais, je suis pas, ouais. Beatles, les Beatles. Elvis. Ah oui, on a remarqué, il est sur la batterie. Elvis, attention, il faut surtout pas qu'il bouge. Hein. Parce que parfois, il s'arrête pendant qu'il joue pour le remettre droit, et après, il continue. Hein. Parce que, s'il a bougé, ça peut tout foutre par terre. Ah ouais, parce qu'après, il n'entend plus bien. Non, mais oui, mais après, c'est une question de... C'est normal, c'est normal. Bon, on a une tradition dans l'émission, hein, les invités peuvent choisir un morceau, n'importe lequel, sauf un des leurs. Waouh. Alors, n'importe. Tant que je le trouve sur iTunes, hein, évidemment, sous réserve. Et attention, parce que je peux te piéger, quoi. Et... Bah, vas-y, tout. Oh, tu sais, on a tout ce qu'il faut dans ta discothèque. Sur iTunes, en général, je vais chercher. Donc, sous réserve iTunes, mais bon, en théorie, il y a tout. Tu connais Great Ball of Fire de Jerry Lewis. Je connais Jerry Lewis. Moi, je connais. Attention, pas la version, la vraie, quoi. Hein. Ah, et si dure 27 minutes, hein. Faut que je la trouve aussi, hein. Okay. Non mais sérieux, vous voulez celui-là? Pas de souci, hein, si je le trouve. Moi ça me ferait plaisir, je sais pas, faut demander à mes collègues. Hein. Bon, ils vous validez ça ou pas? Plus récent, ou les Dead Weaver, le dernier, ouais, les derniers singles de Dead Weaver qui est très bien. C'est quoi le single que je retrouve? Ça s'appelle... facile. Ok, bon, on l'a trouvé facilement. C'est bon, pas de problème, parfait. Bon, et puis encore le dernier truc que les invités font quand ils viennent dans l'émission, c'est un jingle. Où est-ce qu'il est? Pour Polo du Polo Show, il est là-bas avec le bonnet. Et donc il a une émission qui dure 2 minutes juste après la nôtre. Et donc le concept, c'est que c'est les artistes qui viennent font un petit liner pour le Polo Show. On a un petit exemple là d'ailleurs, hein, qu'on peut vous faire écouter. Il faut faire un truc dans l'esprit. Salut, c'est les Plasticines. On s'en débarrasse pas. Et Nicole est là. Polo Show. Yeah. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Là, ils ont fait un petit jeu de mots, ce n'est pas obligatoire, bien entendu. D'accord. Donc voilà. Et donc, on peut revenir dans une heure. Et donc... Ah non, non, là, d'ici une heure, non, on va faire son live, ça va aller là. Donc faites Pour l'arrêter, je sais plus. Comment ça s'appelle? Pamela Hutt. Ton prénom. Pamela Hutt. Merci. Énergie. Parfait. Bon voilà, on va pouvoir se débrouiller avec ça. Un grand merci à vous d'être passé. Joyeux Noël, bonne année, hein, comme merci on dit. Merci à vous. Hein. Merci. Oui, bonne fête. Bonne chance pour la suite. Et puis quand vous repassez dans le coin, vous revenez. Vous êtes chez vous, il y a pas de problème. Génial. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Et puis nous, on revient dans quelques instants avec vous toutes et vous tous, comme d'habitude. 612. Débutez votre message par énergie ou sur mikl.fm. Bouge pas. Pars dans une exploration au plus profond de ses narines. Et Mickaël revient juste après ça. Et comme tous les soirs, on est là sur Énergie entre 21h et minuit. Demain, c'est Noël. Oui, ouais. Je l'ai répété plusieurs fois ce soir, mais l'esprit de Noël et puis la petite musique de Noël aussi. Hein. Ça sent le sapin. Bah oui, ça sent le sapin, effectivement. Effectivement. D'ailleurs, on n'a pas les petites clochettes là? Les petites clochettes de Noël. Juste pour verser Jack. Non, mais c'est, ça fait chier tout le monde en fait, au final. Oh non, c'est pour Noël. On a droit à ça une fois par an. Tu vas voir, au bout de 2 minutes, comment ça va te faire chier. Ça va être horrible. Et puis surtout, c'est bien parce que. C'est-à-dire que Pedro, pour Noël, du coup, il arrive au début du speak, là, et hop, il est là, il est chez lui. Bah oui, parce que je sais qu'on va bientôt parler de petits ciné, donc je me suis préparé, je me suis assis là. On va surtout bientôt parler du best-of. C'est vrai, oui. Est-ce le que vous avez déjà préparé exactement. Le best-of? Bon, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à préparer. Tout est tellement bien. Ça fait 4 mois qu'on se prépare pour le best-of. Il y a 50 auteurs, 200 journalistes, 250 000 km de bandes magnétiques, une webcam, et au moins une dizaine de micros. C'est ça, et deux mauvais animateurs. Oh, si on peut plus rire alors. On rigole. C'est l'esprit de Noël, on rigole. Mais oui, c'est drôle. Ça me fait pas rire. Oh, mais de toute façon, rien ne te fait rire. Bon, demain on offre les cadeaux. Ça, on l'attend pourtant. Ça, c'est positif. Ça, c'est très positif. Ça dépend pour qui. Non, moi, c'est qui m'offre déjà? Ah oui, c'est toi qui m'offre. Moi, j'offre à Pedro. On l'avait tiré au sort il y a 3 semaines, un truc comme ça, 4 semaines, je sais plus. Enfin bref, il y a quelques temps. Pour savoir qui devait offrir à qui. Donc moi, j'offrais à Pedro. Pedro offrait à Micha. Micha offre à Polo. Polo offre à Jack. Jack offre à Toff. À Toff. Toff offre à Sandro. Sandro offre à Roux. Ah, t'as fait le tour. Et Roux? Moi, je t'offre. Ah oui, Roux t'offre. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'espère que ce sera un beau cadeau. Hein. Ouais, ouais, moi, ça va être magnifique. Ça vaut, t'as été combien dans le budget? Parce qu'on avait dit, 20-30 euros grand maximum. Oh, tu peux multiplier par 10. Non, divisé par 10. Ah non, je parie que c'est par divisé 10. Par 10, espèce ah de non, chien. Ça ouais. a une valeur de 300 euros. Ouais. Bah si, c'est vrai. Pourquoi je doute fortement de. Bah, tu est-ce douter, qu'on peut reprendre les cadeaux si on en a envie? Ah, si tu veux, oui, bien sûr. Parfait. On peut les échanger. Voilà, mais par contre, Toff doit t'offrir. Hein, donc oui, c'est, mais. T'es pas en panique? Non, mais je sais que moi je suis généreuse en général, donc. Ah ouais? Ouais. Ouais, par contre, lui, je sais pas. Toff ouais. Non, bah non, il m'a déjà offert un collier de pâtes, hein, je le rappelle, pour un anniversaire. Ce sera pire, c'est pour année. Ça que je m'en fous si on peut reprendre les cadeaux. Ah, encore, c'était des pâtes Lidl, hein, je crois. Ouais. Il a même pas fait l'effort d'acheter. Ah oui, ah, c'était des pâtes de merde. Hein. Premier prix. Ah bah, bien sûr, ah, bah, c'est minimum. Ça c'est fait plaisir, merci pour moi. C'est bien, j'en peux plus de ce bruit, j'en mais peux non, plus. C'est oh, bien. C'est mignon. Oh, vivons le mois de janvier. Ça me rappelle la campagne, les petites clochettes sur les oui. vaches et tout. Avec la Bordeaux. Sandro, t'as vécu ça aussi. Ouais. Et t'avais des vaches bizarres hein, quand 93, même. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. C'était des requins, quoi. Allez, nous allons pouvoir passer maintenant enfin au petit ciné des Mexicains. Bonsoir et bienvenue dans le petit ciné des Mexicains. Oui, d'ailleurs je suis dedans, c'est un petit ciné un petit peu particulier en cette veille de Noël. Hein. C'est un petit peu mon cadeau à vous les Mexicains qui m'avez régalé toute l'année. Je vous ai demandé de ne pas préparer de petit ciné des Mexicains aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Et oui, parce que ouais. à la veille de Noël, tu t'es dit que tu ouais. nous allais faire un cadeau, que t'allais nous faire un cadeau, t'allais nous laisser un jour de repos, ah, une semaine de repos. Et vos cadeaux, c'est dire que vous m'avez régalé. Oui, c'est un vrai cadeau. Non, par contre, comme il nous faut quelque chose, les gars, bon, on va tenter un truc qu'on n'a jamais fait. Ouais. Ah, c'est Noël. Hein. Alors, voilà. Donc, je vous ai amené vos lunettes 3D. Hein. Voilà. Merci. Une pour Polo, une pour Pedro. Très bien. Okay. Celles qui vous permettent d'entrer dans n'importe quel film, pardon. Ouais, et on va tirer au sort le film dans lequel vous allez pénétrer. Cool. Voilà. Et on a quoi comme choix? Hein, des films de Noël, un Disney, un porno. Moi j'ai toujours rêvé de rencontrer Mickey. Oui, si bah, ça peut être un Disney. T'en fais un beau Mickey toi Pedro. Ouais, moi j'ai toujours rêvé de rencontrer Marco. Ouais, t'en fais un beau Marco de Marco Polo. Hein. Pourquoi vous rigolez hein? Ah, c'est nul. C'est qui Marco? Marco Polo. Polo. L'explorateur. Marco Polo. Pas grave, cherche pas. Polo. Bon, allez, attention. Dans le chapeau, il y a Tétro, le dernier Francis Ford Coppola. Il y a aussi le soliste avec Jamie Foxx, Rec 2. C'est la suite du 1, évidemment. Logique, ouais. Et pas si simple avec Meryl Streep. Allez, je tire au hasard. Comme Toff, il tire au hasard, lui aussi. Ouais, voilà, ouais. Non, mais là, c'est dans le chapeau. Alors, attendez. Et c'est... Pas Rec, je vous en supplie, pas un Shrek. Rec 2. Oh, vous allez vous chier dessus. Par hasard, un film d'horreur. Oh, ce que je voulais pas, quoi. Ça fait plaisir. Alors, je vous fais le pitch rapide. T'as fait exprès. Mais non, c'est le tirage au sort. J'ai pas choisi. Je vous fais le pitch rapide. Donc, les autorités ont perdu le contact avec les occupants d'un immeuble mis en quarantaine. On va se marier. Ouais. Et personne ne sait ce qu'il se passe à l'intérieur. Et donc, pour le savoir, il faudrait qu'une équipe de choc ou que des vrais professionnels de l'embrouille pénètrent dans l'immeuble. Vous voyez ce que je veux dire, les Mexicains? Ouais, je commence à comprendre. Ouais, équipe de choc, professionnel, ok, c'est bon, on est là. Surtout professionnel pour l'embrouille. Ouais, très bien. On fait tout. Vous êtes prêts? Bah, c'est parti quand tu veux. Hein. Allez, quand vous voulez, c'est parti pour le petit ciné des Mexicains. On est les Mexicains. La situation est esta. Sabemos que hay un brote infeccioso altamente contagioso. Non, mais attends cousin là, on est les Mexicains. Mais on parle pas de talons de chelou là. C'est juste un costume de scène. Vas-y, joue-le autrement s'il te plaît. Nous savons qu'il y a un foyer infectieux extrêmement contagieux. On doit tout filmer. Eh ben voilà, c'est quand même mieux en version française, non? Bon, ok, on s'en charge, je prends la caméra. Bon, alors faut juste qu'on rentre dans cet immeuble avec les Condés et qu'on filme, hein, c'est ça? Ah, trop simple, hein. Allez, c'est parti les nazes, on rentre. Oh putain, oh, je viens de marcher sur un truc dégueulasse. C'est quoi ça? Oh, c'est du sang. Plein de sang, il y en a partout. On cherche quoi exactement? Mec, c'est ton film et tu nous demandes à nous. Bon, je t'explique. Il y a une saloperie là-dedans qui fout la trouille à tout le monde. Alors nous, on fouille, on la trouve, on y nique sa mère et on rentre chez la daronne regarder les enfants de la télé. Pas compliqué quand même. Il est capital de la retrouver et de lui prélever du sang. Et d'y niquer sa mère. T'as oublié? Ouais, et vite, hein, parce qu'il y a les enfants de la télé là. Bon, allez, on cherche, c'est parti. Et taisez-vous, on va finir par se faire repérer. Hey, regardez là-bas. C'est un cul-de-sac. qu'une salope. Putain, c'est con qu'elle soit morte, cette pute. Oh, c'est carnage. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a, Bratos? Appelle-moi encore une fois Bratos et je te fais bouffer ta caméra, enculé. Moi, c'est Polo. Attention. Faudrait savoir, ça va aller ou attention? Vas-y, vas-y, viens, on s'en fout là. Allez, on va aller la chercher nous-mêmes, cette saloperie là. Contentez-vous de tenir la caméra. Oh là, c'est pas la peine de la raconter parce que tu joues dans des films, hein. En plus, franchement, j'ai vu Rec 1, t'étais tout flou dedans. J'avais envie de gerber. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est horrible, Polo. Je l'ai pas rasé là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va tous mourir! Oh bah non! Non, non, j'ai le vaccin! Quoi? Mais c'est Bajou! Je sens déconner! Allez, approchez les pépitos! Là, là, là, là, là! Nous, c'est Pedro et Polo, les Mexicains! Et puis, on veut pas se faire vacciner, nous! Mais, Mme Bachelot, pourquoi il y a tout ce sang là par terre? Il y en a des flacres! Elle aurait pu mettre un tampon quand même, hein! Oh! Ça! Oui, Nicolas m'a demandé de réduire les coûts de vaccination. Et quel est le rapport avec les flaques de sang, Madame Bachelot? Ah, du coup, c'est moi qui fais les piqûres maintenant. Ouais, je comprends mieux leur peur, du coup. Bon, il n'y a pas de temps à perdre, on s'arrache avant qu'elle nous gonfle. C'est parti. Venez, les gars, on passe par là. Vite. Ça dirait un débarras. Non, c'est ta garde-robe. Merde. La plaque arrive. Vite, Polo, les lunettes 3D. Tant pis, on les laisse dans leur merde. Attention, pas le meuble, casse pas le meuble. Ça a été difficile. Dis donc, les gars. Désolé, hein, on pouvait pas rester. J'ai chié dans mon ça, ça devenait trop dangereux là avec les machos. Bah, décidément, elle est vraiment prête à tout pour écouler ses vaccins, Rodine. Ouais. Ouais, en plus, elle en a écoulé que 3 millions et demi sur les 94 sur millions qu'elle a commandé. J'allais dire 60 millions, mais non, c'est le nombre de Français. Ah oui, ben non, mais c'est con d'en acheter 60 millions alors qu'on est 60 millions. Bah voilà, tant qu'à faire. Mais vous l'avez vu se faire vacciner? Elle était toute fière, on aurait dit une truie qui se fait inséminer. Oh. Et si ça se trouve, je ne veux pas relancer la polémique, mais si ça se trouve, elle s'est fait juste piquer avec un truc. Un placebo de l'eau. Avec rien. De l'eau. Mmh. Ou avec son sang, en fait, c'est qu'on lui a enlevé, hop, on l'a remis un petit ça peu. Ça se verrait, le sang. Oh, ouais, tu sais, hein. Regarde, chez ça, il y a des experts. Semblant. Ouais, mais t'es en France. Hein. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Bon, très bien. Petit ciné des Mexicains qui revient. Pas la semaine prochaine. Pour cause de best-of oblige, ouais. On peut pas mettre ça dans le best-of. Hein, ah oui, bah oui, oui, c'est sûr, effectivement. Donc, retour du petit ciné des Mexicains, donc le 4, 5, 6, 6 janvier. Exactement. Donc 2010. On a le temps d'en préparer un beau, un grand, ouais, un ouais, fort. Ouais, un... Wow, c'est ça. Dois-je vous rappeler que la semaine dernière, Avatar, le seul film que vous avez vu, vous n'en avez pas parlé. Si, on en a parlé. Ouais. On répondait. Ouais, on a dit que c'était énorme. On peut c'est pas ça. Dire plus. D'ailleurs, j'ai toujours reçu les mails que tu devais m'envoyer, soi-disant des auditeurs qui voulaient savoir tout ça. Mais hein, je vais te les envoyer. Ouais, ouais, c'est pas, ça. Ouais. J'ai combien le temps qu'il étape, je te les envoie un peu dans la gueule, tu vas voir. C'est ça, ouais. De toute façon, vu la hauteur, tu vas peut-être me l'envoyer dans le bide, hein, c'est tout. Oh, pas beaucoup plus haut. Pas beaucoup plus haut. Il est trop petit. Oh, le pauvre, il est tellement petit. Bon, allez, bougez pas de là. On va revenir. On va revenir dans quelques instants avec un petit GAV ou un petit chéri, je t'ai fait cocu, ne bougez pas de là. On est là bien évidemment jusqu'à minuit et demain 24 décembre nous serons là également à partir de 21h. En 2005, l'ouragan Katrina ravageait la Louisiane. Florence Oblas était en lieu. Ahmadinejad était élu président. Et Indochine sortait un album. Mais la pire catastrophe, c'est l'arrivée de Mickaël sur Énergie. 5 ans après, ils sont toujours là le soir. En 2010, le drame continue de 21h à minuit sur Énergie. On va jouer avec d'ailleurs la même chose, hein, puisque nous avons Nicolas qui est là, 22 ans pour un chéri, je t'ai fait cocu. Salut Nico. Salut tout le monde. Salut. Ça va et toi? Salut. Ça va, la forme? Bon, ouais, ouais, ça va, tranquille, ouais. Bienvenue à toi. Nous allons donc faire le chéri, je t'ai fait cocu. Comment ça va se passer? On appelle ta meuf, on appelle ton mec, comment ça se passe? Non, on appelle ma meuf déjà. D'accord. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dilek. Dilek, d'accord, ok. Dilek. C'est bizarre Dilek, comme prénom. C'est turc, ça, non? Ouais. C'est turc? Ouais, c'est ça. D'accord. Genre.

Ah, les gars, il y a un peu bu là déjà. Ah ouais, c'est trop cher. Merde, elle est partie. Attends, on va la rappeler. Attends, c'est Hugues qui va l'appeler. Hey. C'est Hugues. Attends, c'est Hugues qui la rappelle, puis on va lui dire à la pauvre, hein, parce qu'elle va nous faire l'infarctus là. Ouais, ouais, là, faut lui dire. Déjà, faut qu'elle décroche. Ouais. Ouais. Ouais. Encore tu oses appeler. Hello. Encore tu oses appeler. C'est Hugues. Mais vous êtes con, vous faites exprès. Eh, dis-moi, parce que j'ai passé une soirée un peu arrosée. Ouais, mais t'as cru que j'étais qui, là, vous, on là, m'a la dit... petite nana qui est à côté de vous, là, depuis avant. On m'a donné ton numéro et on m'a dit, vas-y, vas-y, Kiki. Alors, j'appelle Kiki. Ouais, Kiki, ouais. C'est toi, Kiki. Putain, vous m'énervez, mais niquez vos races, putain de sale merde. Vous foutez de ma gueule, quoi. Alors, t'arrives à pécho, toi, Hugues, ou pas? Ah, déjà, j'arrive pas à parler. Allô, Nicolas, tout de suite. Allô, ton cul. Allô, ton cul. Passe-moi Nicolas, tout de suite. Tu parles par le trou? Non, mais j'ai deux mots à lui dire. Passe-moi Nicolas. C'est quoi ce nom, ton cul? Passe-moi Nicolas, tout de suite. Comment on peut s'appeler ton cul? Tu pues de la bouche, hein? Ouais, ok, je pue de la bouche, bah bien sûr, t'es en face de moi. Ouais. Passe-moi Nicolas. Attends, Passe-moi Nicolas. Tu me payes une bière. Ferme ta gueule, passe-moi Nicolas. Tu me payes un vin, du vin rouge. Ah, bon, ouais, je vais te payer. Un bon vin, du vin rouge, un petit ballon. Oh les gars, passe-moi, ça dérange pas, je mets un peu de musique, hein. Passe-moi Nicolas. Passe-moi Nicolas. Oh, allez, son pourquoi tu fais ça? Tu m'as fait blesser. Vous êtes beau, hein. Elle a raccroché, c'est pour ça que ouais, je suis gueule. On chante pour le plaisir, mais. Ben ouais. Mon âme est pourquoi tu fais. Vous lui dites? Attends. Bijoux, c'est Walid. Pourquoi tu fais ça? Allô? Merde. Elle a raccroché de nouvelles chances. Putain, je crois que c'est Walid qui pose un problème. Elle raccroche depuis que t'es. Elle entend Walid. Depuis qu'on a mis Walid. C'est con parce que j'allais lui dire. Allô. Là, vous commencez à me gonfler. C'est allô. C'est bon. Non, c'est bon. Arrêtez de gonfler. Viens la soirée, là, ça cartonne. La musique, on est au top. Mais je m'en fous de votre musique de merde. Non, mais c'est énorme. Tu vas voir, c'est une tuerie là. C'est chez Walid. Vous dites à Nicolas qui m'appelle plus. Vous non plus ne m'appelez plus. Bon. Mais ça suffit, hein. Dilek. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, juste dire que c'était une connerie en fait. Oh, ta gueule, c'est bon, je t'en supplie. T'es en direct à la radio sur Énergie, c'est le chéri, je t'ai fait cocu. Tu sors avec Chris. C'est de ma gueule. Tu m'as dit pas ça. Voilà, tais-toi, Sandra. Tu sors avec moi. Bon, Nico, explique-lui, la pauvre. Non, mais Dilek, c'est de ma gueule ou quoi? Allô. Ouais, un petit peu, pardon, excuse-nous. Allô, mais ça va pas, mais vous êtes pas normal. Non, non. Nicolas, ça va pas? Nicolas, c'est une blague. Hugo, là, ça va pas? Non, mais comment ça, une blague? Je suis en train de péter un câble, je dis que j'allais me péter par fenêtre. Arrête, c'est une blague, c'est bon, y'a rien qui se passe. Non, mais t'es sérieusement de ma gueule, Nicolas, mais attends que je te vois. C'est quoi cette voix? Oui, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, Nicolas. Alisson. Je t'aime très forte. Dis-le au coup. Non, mais je t'aime très fort, Dilek. C'est très bien, ça fait 5 ans. C'est pas maintenant que ça va sortir en couille. Oh. Ouais, mais c'est quoi ce coup que tu me fais là? C'est une blague. Oh, tu vas pas nous prendre la tête pendant 7 ans. C'est la radio. En plus, t'as eu une monde gay. Ça va, tu vas pas te plaindre. Ouais, c'est ça. Du coup, comme t'as eu le cadeau, c'est pas la peine. Il va frapper encore. Ah non, mais j'avoue, j'aurais pété la gueule. Bah ouais, justement. Dès que je vois Nicolas, même si c'est une blague. Défonce-le quand même. De toute façon, maintenant, ça te donne une bonne excuse pour le défoncer quand tu seras un peu énervé. Exactement, ouais. Bon, Nico et Dilek, je vous renvoie chez Michel au standard. Vous allez gérer le cadeau là-bas, d'accord? Ça marche. Salut vous deux. À bientôt. Merci en plus. Ciao. Et c'est le retour de l'émission sur Énergie, comme tous les soirs entre 21h et minuit. Vous lâchez toujours vos messages, bien sûr, au 612 en débutant votre message par Énergie sur emmickaël.fm. On sera là également demain le 24 décembre. Ah. Eh oui, le 24 décembre, avec enfin ce cadeau de Noël. Eh oui. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Merci, Jules Boss. Bon roux. Ouais. T'as teasé hier, là. Toujours pas un indice supplémentaire pour demain, pour mon cadeau? Non. Putain, tu fais chier. Tu l'auras demain, c'est bon. C'est quoi, tu l'auras demain à la même heure? Si j'ai bien compris, parce que je suis pas sûr, lundi, c'est putain, tu fais chier. Ah ouais, bon, super, on est bien avancé avec ça. Très très bon indice. Bon, allez, c'est pas grave. Nous allons passer maintenant au Mac du jour, comme d'habitude. Et bienvenue dans le Mac du jour. Il s'est passé beaucoup de choses en 2009. On se souvient de moments douloureux comme le crash de l'avion Rio-Paris, la mort de Michael Jackson, les suicides chez France Télécom, le retour de Dorothée à la télé. Et tiens, vous, qu'est-ce qui vous a le plus, fait de la peine dans l'actu en 2009? Ah, Michael. Ouais. Michael Jackson. Ouais, y a pas faux. Il y a Brittany Murphy aussi. Moi, franchement, Brittany Murphy plus que Michael Jackson. Hein. Ouais, ouais, c'est plus jeune, quoi. Ouais, ouais, et puis surtout, je pourrais plus m'enlever sur ces les nouveaux, les anciennes. Moi, il y a la retraite de Justine Hénin, quand même. Bon, super. Chacun son délire. Hein. Mais malgré tous ces moments difficiles, rappelons-nous aussi les nombreux moments de bonheur vécus en 2009, l'élection de Barack Obama, la palme d'or de Slumdog Millionnaire, les vaccins contre la grippe A. C'est vrai, Slumdog, c'est ça. Et ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir en 2009? Ah, la victoire du Barça en finale de la Champions League, clairement. Une victoire de pas du PSG, moi. Non, ben non, il n'y en a pas eu. Si, il y en a eu cette année. Ah, des victoires, des matchs. Une de toutes les victoires. Je me suis trompé, pardon. Les 6 titres du FC Barcelone cette année. Ouais, bon, bah, ça me balade. Hein. Moi, ouais, c'était une année de merde. C'est vrai. Pour les poissons, c'est l'année 2010. Oh, ouais, donc, j'attends 2010 avec impatience. Ah, une semaine. Ça va venir, t'inquiète pas. Bon, bah, tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans cette année, c'est dans le Mac de Noël. C'est parti. En juin 2009, le gouvernement a annoncé que la LGP Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera organisée vers 2020, empruntera le tracé des métropoles Aix-en-Provence, Marseille, Toulon et Nice. Ouais, en revanche, pour l'inauguration, le ministre de l'écologie, Jean-Luc Borloo, a choisi un autre chemin qu'il connaît mieux, Bordeaux, Saint-Émilion, Médoc et Cognac, pour terminer. Oui, pour fêter le tracé des métropoles, rien ne vaut la route des vins. Et bien évidemment. La route du Rhum. Par exemple. Et en 2009, le 19 mars plus exactement, a eu lieu la première journée d'action contre la politique de Sarkozy. Une journée où se sont succédées grèves et manifestations. Alors, des manifestations qui ont réuni 3 millions de personnes selon les organisateurs, 300 000 selon la police. Et quelle manifestation selon Sarkozy? C'est ça. En 2009, le cinéaste Jacques Tati crée la polémique avec sa pub interdite à cause de sa sacro-sainte pipe. Ouais, il voulait pas qu'on voit la pipe genre sur les affiches, dans le métro, tout ça. Ouais. C'est con, ça peut pas faire de mal une petite pipe dans le métro. Allez, on passe à autre chose ou pas, c'est l'heure du con du jour. Et une fois n'est pas coutume, on a un couple de cons ce soir. Et ils ont fait très très fort, Jack. Ouais, effectivement, mes cons s'appellent Tarek et Michael Salah. Alors ce sont deux Picasso. Hein, comme le roux finalement. Et ils ont réussi un truc, franchement c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi. Vas-y, à faire. Le roux est intéressé comme tu peux le remarquer. Il n'aura jamais les couilles. Alors vous le savez, Barack Obama est un des hommes les mieux protégés au monde. Il a même carrément un BlackBerry spécial rien que pour lui. BlackBerry. Et ben, mes deux cons ont réussi à se faire inviter à un dîner officiel à la Maison Blanche. C'est fort, ça. Enfin, en fait, non, ils n'avaient pas d'invitation. Mais ils ont déjoué tous les dispositifs de sécurité pour s'aligner dans la file des arrivants à la réception. C'est dingue. Ouais, après, ils ont carrément été accueillis. C'est fort, hein. Ah oui. Ils ont carrément été accueillis par le président lui-même, bon, qui devait pas du tout savoir qui c'était. Alors, moi, franchement, je les trouve assez forts, quoi, à ce niveau-là. Non mais c'est vrai parce qu'au final les mecs, déjà tu peux t'inquiéter parce que si n'importe qui arrive à rentrer dans la Maison Blanche. Oui, bah c'est ça qui est flippant. Voilà, tu peux t'inquiéter pour Barack Obama et puis pour tous les autres, mais surtout bon. Qu'ils ont risqué la prison, la prison voire Guantanamo, mais bon. Alors, mes deux cons se sont même payés le luxe de mettre une photo d'eux en compagnie du vice-président Joe Biden sur Facebook. fort, pas mal. Bah c'est bien, pas mal. Bon, merci beaucoup Jack pour ce con du jour. Je t'en prie. Allez, on passe au sport maintenant. En 2009, Franck Ribéry a admis dans la presse allemande avoir traversé une période très difficile à cause de sa blessure au genou gauche qui l'empêche de jouer depuis le début de la saison. Ouais, par contre, pas un mot sur sa blessure à la joue droite qui l'a empêché de baiser pendant 20 ans. Et puis en 2009, il y a eu le débat sur l'identité nationale, un débat qui a dépassé nos frontières. On revient sur Lionel Messi, à qui l'on reproche de ne pas se sentir suffisamment argentin. Mais il n'est pas argentin, Messi, il est de Nazareth. Mais non. Bah si. Mais si. Bon, c'était la vanne, hein. Il fallait rebondir quand même malgré tout. Allez, une petite astuce, une bonne idée, c'est l'heure du petit truc du jour. Un truc double aujourd'hui. Le premier truc est un petit conseil santé qui s'adresse aux parents pour garder vos enfants dans la meilleure santé mentale possible. Évitez de divorcer. En effet, les enfants de divorcés présentent plus de risques de tomber en dépression. Ils sont également plus enclins à développer des sentiments d'angoisse et ont tendance à être moins satisfaits et redoublent aussi plus souvent selon les résultats d'une enquête. Et le second truc est un conseil Noël qui s'adresse aux enfants. Pour avoir plus de cadeaux, faites en sorte que vos parents divorcent. Les enfants de divorcés ont plus d'argent de poche, quoi. D'effets personnels, hein, comme des téléphones portables et des consoles de jeux vidéo. Puisque non seulement ils ont des cadeaux de leur père et de leur mère, mais ils ont en plus les cadeaux de chaque côté de la famille. Certes, vous serez dépressif, mais au moins vous aurez de quoi vous remonter le moral. Hein. C'était donc le petit truc du jour. Voilà. Bon, l'édition du mag du jour touche à sa fin. Terminons en beauté avec le quiz du jour. Alors, qui a dit ça ? Qui a dit « Je suis un peu comme Batman, il me manque plus qu'une lumière dans le ciel pour que les gens puissent m'appeler ?» Wow. Oh, c'est un mégalo déjà. Nicolas Sarkozy. Moi j'ai pas compris la phrase. Vas-y répète. Je suis un peu comme Batman. Tu sais Batman pour l'appeler. Il y a son logo qui passe dans le ciel. Oh. Ah oui d'accord. Voilà donc je suis un peu comme Batman. Il me manque. J'aurais tendance à dire Difool. Non, il me manque. Pourquoi Difool? Il me manque plus qu'une lumière dans le ciel pour que les gens puissent m'appeler. D'un coup je ne vois pas cette. Franchement pas. Je vois pas du tout. Non, tu vois pas? Bah non, Michael Jackson. C'est sur 2009, hein? Ouais, mais je vois pas. Enfin. Non. Une lumière dans le ciel pour que les gens puissent m'appeler. Bah vous l'avez. Bah alors c'est qu'il a vraiment fait un hop hop, il est arrivé, il est reparti aussitôt. Ah, Vendetta? Voilà, Michael Vendetta. Vache. Ah ouais. Ça s'appelait plus de lui. Ah oui, mais déjà oublié, hein. Bon, qui a dit quand tu prends confiance à la confiance, tu deviens confiant? Evangeline. Non. Ça aurait pu, ça dit. T'as dit quoi? Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant. Vandame, non. Vandame. Jean-Claude Vandame. Ah là, c'est ça. Vandame, effectivement. Et enfin, pour terminer, qui a dit les filles, c'est comme les planètes, il ne faut pas rester en orbite, mais défoncer, planter son drapeau. Mais foncer, planter son drapeau, pardon. Tof. Non. Merde. Tiger Woods. Non. Tu fais ça, ouais. Bah, tu peux répéter? Les filles, c'est comme les planètes, il ne faut pas rester en orbite, mais foncer, planter son drapeau. Franck Dubosc. Non. Rocco Siffredi. Non. Tu peux donner un indice? Il veut à tout prix planter son drapeau dans Marie. Dans Marie? Quoi? Dans Marie. Qui veut planter son drapeau? Ben Stiller? Dans Marie. Marie. Ben Stiller, bonne réponse. Ah putain. Marie à tout prix, effectivement. C'était donc Ben Stiller. Ah, voilà, bien. Fin du mag du jour. Dans un instant, on va se mettre le son qu'avait demandé Pamela Hutt. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, avec The Dead Weather. Alors, on met ça juste après la pub. Par contre, c'est un peu particulier. Hein. Vous verrez au début, après c'est sympa, mais au début c'est un peu particulier. Et le groupe, c'est? C'est The Dead Weather. Ah, le titre. Et le titre, c'est, je sais plus, comment il s'appelle? Frozen Foot Toll. Voilà, c'est ça, exactement. Et bien avant, c'est maintenant. Ah, grave. Ah bah, l'euro, il est content là maintenant. Je vais pouvoir le noter. Allez, prochain mag du jour, un autre jour, en l'occurrence demain dès 21h. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. Et retour de l'émission comme tous les soirs entre 21h et minuit sur Énergie. Toujours les messages au 612 débutés par Mickaël et puis sur Mickaël.fm en fait tout simplement. Ça marche aussi si vous voulez faire les mails, hein, Mickaël@énergie.com. Bon, on en parlait depuis tout à l'heure. Déjà, on aura le bêtisier dans un petit instant de notre ami. Voilà, autant dire que le caviar arrive. Ça va être bon. C'est ça. Et puis, les hallucinations auditives hein, qu'on a aussi. On en avait parlé dans l'année d'ailleurs. Hein. C'était, on avait passé quelques petits extraits comme ça de sons en anglais, en fait, des chanteurs ou des groupes qui chantent en anglais. Et en fait, quand tu les écoutes, c'est pas ça qu'ils disent en français. Enfin, je veux dire. Ça peut vouloir dire quelque chose en français, en voilà, tout cas. Voilà, c'est-à-dire que leur mot en anglais, en fait, est dit en français. Enfin, c'est un petit compliqué, hein, un petit peu confus. Non, c'est qu'ils chantent en anglais, mais toi, tu entends autre chose en français. Alors, un exemple, ce sera plus simple. Un exemple. Alors, et c'est pas, on en a plein. Il y a. Commence par le premier. Il y a Barbara Streisand, Tattoo, Céline Dion, Avril Lavigne, Green Day ou David Bowie. Très bien. Tattoo, c'était quoi, All the Things She Said? Ouais, c'est celle-là, ouais. Très bien. C'était là en fait. Alors là, elle est censée dire un truc en français, ouais. Mais je trouve pas. Bah, ça va pas faire suiter. Des chaussettes ? Ouais. Il y a le mot chaussette ? Ouais. Moi j'entends enlève tes chaussettes. Ouais, moi j'aurais dit comme Jack. Alors t'as enlève tes chaussettes ou oh les petites chaussettes ? Ouais. Enlève tes chaussettes, enlève tes chaussettes. Si, maintenant tu l'entends. Ouais. Si, c'est sur la première partie, c'est enlève tes chaussettes, et la deuxième, c'est oh les petites chaussettes. Non, c'est oh les petites chaussettes. Je crois que le meilleur exemple, c'était Avril Lavigne. Ah, qu'est-ce que je suce? Qu'est-ce que ah, oui. je suce? Non, mais ça, par contre, c'est vrai. Effectivement, il y avait qu'est-ce que non, je mais, suce? Non, mais il y en a un autre dans la même chanson. Ouais, je pense. On a dans la même chanson. Bah, je dis rien. D'Avril Lavigne? Ouais, écoute. Vas-y. Ah, remets-le. Je suis déballé. Vas-y. Qu'est-ce que je suce? Non. Quand on l'entend, bah on l'a plus. Quand on l'entend les balais là, effectivement, ça rentre. C'est portugais qui sont ressortis de la chanson. Pauvre con, va. Je suis déballé. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. Vous voyez quoi d'autre? Alors, on a du David Bowie, on a Céline Dion. On a. Oh, Céline. Brindé, on va le garder pour la fin. D'accord, ok. Céline Dion, qu'est-ce allez, passons à Céline Dion. Ah, on va essayer de deviner. C'est galère. Et le pire, c'est que c'est du français. C'est du français? Bah oui. Au rythme en téton. Ouais, ça, t'es pas loin. Au rythme mon téton. Non, horrible mon téton. Ah, ou moi j'avais pas dit. Vite en se couchant. Au rythme mon téton. Remets un peu parce qu'elle se touchait ça sans doute. Ça y est, ça marche pas plus. Au rythme mon téton. Et c'était quoi, t'avais trouvé? C'est ça, ou au rire mon téton. Au rire mon téton. Qui ne veut rien dire. De mieux dire au rythme mon téton. À la limite, si c'est mieux ça, effectivement. Bon, next. Bah, je sais pas, tu veux David quoi Bowie, hein. Bah, David Bowie. Alors, il y a le même mot là. Que c'est Céline Dion. Vous avez pas entendu? Non, vas-y, remets-le. Tout mes tétons. Mais non, c'est trop facile. Tout mes tétons. Grand contrôle de mes tétons. Grand contrôle de mes tétons. Ouais, c'est facile, non? Grand contrôle de mes tétons. Bon, on garde les dernières pour demain. Bon, et Green Day, tu m'as mis la bouche là. Ah, je peux attendre demain. Bon, mais putain, vous êtes chiant là. Si tu veux. Okay. Non, vas-y, fais péter. Okay, si tu veux. Alors, Green Day, c'est assez long. Bah, vas-y, on dit rien. Et moi, Je vais chanter. Vas-y, remets. Ouais, remets-le. Les lesbiennes ont des poils. Si. D'accord. Les lesbiennes, on s'entend, merde. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est quoi la phrase exacte au début, tu disais? Tu m'excites, j'aime pas mal ça, moi, les lesbies ou les lesbiennes. Ouais, elles ont des poils. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, ouais, j'en ai un dernier. Hein. Allez, vas-y. J'ai Barbara Streisand. Barbara Streisand. Bon, vas-y. Je sais pas. Non, vas-y. On avait des chiens battus. Ouais, ou on l'avait des chats battus. On l'avait des chiens. Des chats. Attends, elle est américaine, elle peut pas dire chat. Un A, ça se prononce hey. Qu'est-ce que je chuche? Elle l'a dit comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, d'accord, ok, très bien. On en fera l'autre demain alors? Ouais. Les hallucinations auditives, très bien. Bon, et en attendant, on va enchaîner maintenant exactement avec le bêtisier de Top. Ah, ça va être bon. Eh oui, alors. Vous en doutez, il y a essentiellement de la bafouille. Eh ben oui. Là, on avait trop de trucs. Et donc, j'ai juste pris un petit son qui n'est pas une bafouille, mais je sais pas, une sorte de toffrir en quelque sorte. Enfin, bref, je vous laisse écouter. Ah, ça craque, il tombe. Oh non, c'est bon, ça tient. Ah oui, d'accord, je me rappelle. On l'avait accroché. On avait accroché Toff à la porte du vieux studio avec une corde par les pieds. Qui était censé soutenir 100 kilos. Voilà, c'est ça. Du coup, on avait appelé Carrefour après. Enfin bref. Et donc, bah, ça n'a pas tenu. Hein. On entend bien l'impact de Toff. Hein. Ah, ça craque, il tombe. Oh, non, c'est bon, ça tient. Ah, la violence. C'était violent, ouais. C'était très violent. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un qui a pété. C'est toi qui veux que ce soit. Je leur ai dit, on a rien. Moi j'ai rien ici. Ah, ça vient d'arriver chez moi là. C'est un mec qui a mal bouffé. Moi je l'ai pas ici moi. Pour l'instant ça va. Ça doit être Pedro. Il y en a qui sont sortis juste avant là. Non là ça va, moi j'ai rien pour l'instant. Pour l'instant l'odeur n'est pas encore arrivée. C'est bizarre, je l'ai eu en première. Ça veut dire que c'est Jack qui a pété. Ou Toff. Moi je l'ai pas moi. Moi je l'ai senti en première. Non bah écoute, pour l'instant moi j'ai pas de problème. Bon, encore d'autres. Ouais, alors c'est du bug de Toff là par contre. Alors. Il y en a un foison, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, faut essayer ce qu'il a essayé de dire. Non, mais oui, il y a que Mike qui peut trouver. Non, qu'il peut trouver. Comment t'as pu trouver ça? J'en sais rien, mais c'est arrivé, elle ça fait longtemps. Sur l'écran. Et non, mais j'ai d'abord dû me retourner. Alors vous qui écoutez, ouais. Essayez de comprendre ce que Toff est en train de dire. Il y a que Mike qui a trouvé. En fait, il y avait en début d'émission, il y avait l'Euromillion à l'époque. On gagnait je sais pas combien de millions et j'avais joué et j'avais dit on suivait l'Euromillion, c'est vrai à l'époque. Et donc Toff qui avait la télé devant lui disait ah il était surpris parce qu'il y avait l'Euromillion et ça donnait ça. C'est énorme. Comment tous les membres ont réussi à se compiler, à entrechoquer les uns les autres. C'est ce qu'on appelle un carambolage. Ou un hamburger. Ouais, aussi, ouais. Bon, allez, deuxième, enfin troisième plutôt. Mais franchement, je sais, ton préavis. Là, c'est, tu sens que lui-même, il sait pas où il va en venir. Bah, il sait pas, hein. Mais franchement, je sais, il t'entend. Je sais, il n'a pas fini la phrase. Je crois que j'ai jamais fini cette phrase. On t'a arrêté avant, hein, c'est sûr, on sera encore là, si tu veux. Il en reste deux. Allez, vas-y, fais péter le deuxième. Mais il a fait un peu de plomb bleu de la poule. Tu sens les bulles dans ce mot. Mais il a fait un peu de plomb bleu de la poule. C'était dur. On voit qui dernier. Et donc du coup ça c'est censé ça c'est dur. Et j'avais un petit remix aussi, hein. Je sais pas si on l'a déjà mis du coup. Bientôt il va s'attarder. Laisse tomber. 21h09 hein, qu'on récupère. C'est très joli. Je sais pas ce que je voulais dire. Voilà, il savait pas ce qu'il voulait dire. Mais c'est pas grave, hein. C'était les bafouilles. Et Dieu sait qu'on en a plein qu'on n'a pas eu l'occasion d'enregistrer, de sauvegarder. Il y en aura probablement d'autres. Ouais. Celle de Toff, c'est les meilleures. Bah, c'est surtout celle qui. C'est les bafouilles, tu vois. Encore parfois, tu sais, Leroux par exemple, il oublie un mot, il arrive pas à en prononcer un, mais là, c'est un truc. Ah, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est improbable, effectivement. Enfin bon. Bon, dans un instant, on va faire les questions pour une réponse. Ouais, allez. Ne bougez pas de là. 612, débutez votre message par. Et le bêtisier de Michael aussi. Ouais, enfin, on n'est pas obligé. Si, 612, débutez par énergie, puis vous mettez QPR avec prénom, âge et numéro de téléphone, et on revient en moins de 3 minutes. Restez bien là. Ça fait 5 ans. 5 longues années. Et Michael est toujours là le soir sur Énergie. Pour attaquer 2010, il n'y avait pas de pire nouvelle. Michael sur Énergie, 2005-2010. Enfin, 21h minuit quoi. Et on est de retour comme tous les soirs sur Énergie entre 21h et minuit. Demain, 24 décembre, l'esprit de Noël. Ding, ding, ding. Eh oui, qui sera. Tu veux écouter ma petite musique? Non. La petite musique de Noël? Non, ça va, ça va. Les petites clochettes? Non, bah si, bah si, demain c'est Noël, c'est dommage. Non, pas celle-là. Celle-là avec ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mais là, la musique de Noël, quoi. Bah, oui, mais là, tu l'as. Ah, mais il veut pas où? Bah, c'est lui qui décide maintenant. Bah non, enfin il dit non. Pensons à tous ces gens qui sont à Disney et qui doivent supporter ça toute la journée. Ah putain, la galère. Ah franchement, ouais. C'est ça tout le temps à Disney? Ah ouais? Ah, à Disney, ouais, pendant. Enfin, c'est des chants de Noël, quoi. Mais dans toutes les boutiques, dans les rues de Disney à Paris, là. Ça fait ça. Oh, oh, oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Après, t'as la parade de Mickey de Noël, la parade de Dingo de Noël, la parade de Donald, et puis ça s'enchaîne. J'ai jamais vu la parade, moi. Ouais, bah, non plus. Non, mais c'est bien. J'aimerais bien. Non, mais c'est bien quand tu la vois une fois. Le problème, c'est que ceux qui bossent là, ils la voient 100 000 fois. Mais on s'en fout, on leur a pas demandé de bosser là-bas. Non, oui, enfin bon, c'est facile ça. Bon, on va jouer maintenant aux questions pour une réponse. Pour jouer aux questions pour une réponse, il y a Clément qui est là, 18 ans, du 26. Salut Clément. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Hello. Ça va et toi? Le soleil, oui, brille. C'est l'hiver, il ne peut pas briller. Non mais c'est vrai, c'est con, surtout à ce temps-ci. Bon, Clément, donc t'appelles du 26, Frédéric, 26 ans, du 31. Salut Mickaël. Ça va? Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va tranquille. Bon, très bien. Tu sais faire la voix du Père Noël, Fred? Ho, ho, ho. Non, non, pas mal. Qui ne risque rien n'a rien aussi. Oui. Bah, en même temps, j'ai posé une question. Après, voilà. Il est malade, tiens, en vrai. Il a une trachéite. Ah, voilà, c'est vrai, ça. Il souffre, il souffre. Bon. Ayez pitié du Père Noël. Trachéite. Clément et Fred. Bah oui. Clément et Fred. Oui. Nous allons jouer maintenant aux questions pour une réponse. Clément, tu veux jouer avec qui? Bof. D'accord. Très bon choix. Avec Bof. Hein. Et Fred, tu veux jouer avec qui? Sandro. Oh, c'est putain. Dommage. Quelle galère. En plus, ça fait chier parce que je vois qu'elle est contente, ça m'emmerde encore plus. Je vois bien, vous êtes déçu. Moi, je fais le malin, mais c'est facile quand on a les bonnes réponses. Oui. Bah oui, Julien, évidemment. Bon, allez, question pour une. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, question pour une réponse de ce 23 décembre 2009. Clément, qui veut jouer avec Toff? Frédéric, qui veut jouer avec Sandro? Nous allons maintenant jouer à question pour une réponse. Vous êtes prêts? Non, non, non, Sandro, tu te fous de ma gueule on ou quoi? De quoi? On ne dit rien. T'es en train de faire... Micha! Ah oui? Des grimaces, là. Il veut échanger son dessert avec le mien. On le casse c'est pas ça, le ouais. Bah oui, j'aime pas le mien. Ouais. T'inquiète pas, Castor, si tu veux, il a déjà été bouffé depuis perpète, hein, le dessert de Micha. Hein. Ah bon? Ouais. Bah, il le garde pour la fin d'émission à chaque fois. Ça, c'est bon, Mickaël. Ouais, je sais, ouais. Bien. Bon, attention. Vous êtes prêts? Prêts. Ouais. Attention, Sandro, regarde au côté. Oh. Oh. Regarde au côté et yeux. Remets ton casque correctement. C'est pas possible, ça. Si, c'est possible. On ne casse pas le matériel. Hein. Allez, remets. Oui, on va pas casser, on se demande de le remettre correctement. C'est... Remets-le bien. C'est le remet. Mais si tu le remets pas bien, t'auras pas ta paye avant Noël, je te le dis direct. Allez, c'est bon. Tu m'as calmé. Même temps, c'est demain. Oui, bah. Oui, bah. Donc, c'est sympa, c'est drôle, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est sympathique. Oh là là là là là là. Bah, lui, il est content quand il y a Noël, hein. Alors, c'est la fête, hein. Bon, allez, on y va, attention. Clément, tu joues avec Toff, Frédéric, tu joues avec Sandro. Attends, ah, ouais. Pardon. C'est ça. Je sais que cette espèce d'éternuement, carton. Ah, bah, là, ça fout. Je suis né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine 92 et je suis un humoriste acteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben je joue pas moi. Oui, je sais pas pourquoi t'es d'ailleurs. Donc je suis humoriste, acteur, réalisateur et producteur français après avoir débuté dans la vie active en tant que serrurier. Je vois vite mes talents de comique se révéler dans l'armée. Je monte tout de suite à Paris afin de tenter ma chance où je me produis dans des bars. Je me fais repérer en 97. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Quoi? Est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Jean-Marie Bigard. Non, t'as perdu. Non. Je me suis fait repérer en 97 par Graines de Star où je vais former avec Sandro, mes compères. Sandro, Jean Dujardin. Non, ouais. Graines de Star, ça avait un humoriste. Humoriste. Humoriste. Un mec qui fait de l'humour. Et je vais donc former avec mes compères Bruno Salomon et Eric Collado ou autre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que Jack attendait la validation. Ah, bah oui, c'est ça, ouais. Bon, la bande des Nous, c'est nous, mais c'est en 2003 que devient l'acteur, que je deviens, pardon, l'acteur préféré des Français avec la série télévisée Un gars, une fille, avec celle qui deviendra un peu plus tard ma femme dans la vraie vie, Alexandra Lamy. Je passe ensuite du petit au grand écran avec de nombreux films qui cartonnent comme 99 francs, Cash ou encore les deux succès OSS 117. Mon prénom est le synonyme du peuple et mon nom de famille, Alain Averte. Je suis donc Jean Dujardin. Putain, 97, ce De quoi? Je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait vachement plus longtemps qu'il était. Enfin, tu me diras, ça fait 12 ans. Bah, ouais, ça passe vite, c'est hein. Ça, ouais. Ça passe vite, n'est-ce pas, mamie? Ah oui, ça passe vite, hein. Ah, dis donc, c'est plus comme dans mon temps. Quand je regardais Graines de Star. Et oui, avant, ça passait moins vite de mon temps. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Et on y arrive vite, hein. Et on a appris que Graines de Star en québécois, ça voulait dire bite de star. Ah ouais. Donc tu veux tous les Canadiens conduire la graine de star. Bah c'est Garou qui racontait ça. Graine de star. Ouais, lui il a dit que ça lui faisait bizarre quand on lui a annoncé mon émission. Tu m'étonnes. Bon, deuxième question. Vous êtes prêts? Prête. Pour l'instant 1-0 pour Frédéric. Et Sandro. Hein? Et Sandro. Oui, oui. On est dans la même équipe, là, hein, ouais, tu sais tout le monde, ça voilà. Sera sympa. Donc Frédéric 1-0, 26 ans de Toulouse, on y va, deuxième question, vous êtes prêts? Ouais. Top, je suis né le 30 septembre 75 à Paris et je suis une actrice française et depuis toute petite je baigne dans l'univers artistique grâce à mes parents. En effet, ma mère est comédienne et mon père l'est aussi, tout en étant mime et metteur en scène. Mon premier rôle sur les planches est intitulé « Il y a des nounours dans le placard » et mise en scène par mon cousin, qu'on ne me dise pas que je suis pistonné après, évidemment. Hein. Oui. Laurence Foresti. Non. Je marque un tournant dans ma carrière puisque je vais accéder à la gloire en jouant durant la trilogie. Ah non, c'est Vanessa Demont. Non. Taxi, mais c'est avec la môme. Marie-Lou Cotillard. Bonne réponse. Non, il a dit Marie-Lou. Que ça je va, deviens hein. une il star a dit Marie-Lou Cotillard. Je décroche pas moins de 4 trophées. Ou trophée, comme dirait le roux, comme le Golden Globe, trophée, la BAFTA, le César ou encore l'Oscar de la meilleure actrice. Mon prénom est Marion et mon nom ressemble à un billard. Je suis donc Marion Cotillard. Si c'est trophée AI, c'est trophée. Bonne réponse. D'accord. Donc pour Clément c'est Top. Ça nous fait un partout. On y va pour la dernière question. Vous êtes prêts? Vas-y. Attention, un partout. Oh, ça s'annonce tendu. Exactement. Sandro, pourquoi tu fais des signes encore? Tu me fais chier. N'importe quoi. Même à 24 heures du réveillon de Noël, qui est relou. Pas l'esprit de Noël, ce que tu fais. C'est pas du tout l'esprit de Noël. Ah oh bah si toi, ce que tu fais dans la vie réelle, c'est esprit de Noël. Non mais là, pour le 24, il te rompra pas ses meufs. Oh alors ça, là. Ouais. Non, pas le 24. Mon cul, ouais. Non, pas le 24. Le 24, je me branle. Comment tu t'arranges d'ailleurs avec elle? Bah je me branle. Une partie de soirée avec Chacune. Non, bah non, il dit qu'il passe la Noël à la radio. C'est lui qui a insisté pour qu'on fasse. Ouais. C'est pour sauver, pour avoir un alibi. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai toujours eu un bon alibi pour ces trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, attention, on y va. Dernière question. Vous êtes prêts? Prêt. Oui. Clément, Fred. Top, je suis né le 6 mai 1952 à Paris et je suis un monstre du cinéma français. Sandro. Oui, spécial film. Sandro, oui. Après mes études au lycée Pasteur de Neuilly, où j'obtiens mon bac avec mention très bien. Jacques Sutron. J'appelle prépa Sciences Po, mais je vois très vite que je me fais chier. Sandro. Bien évidemment, Alain Delon. Mais non. Alors j'entame une carrière d'acteur dans la troupe désormais célèbre, dont je ne citerai pas le nom. Sandro. Oui. Thierry, aux yeux bleus. C'est pas lui. Cette période marquera une page importante dans ma carrière puisque je décolle avec les films comme Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. Christian Clavier. Bonne réponse. Wow. Si c'est lui, il ne vous dit rien. Ou peut-être que le rôle d'Astérix vous dit quelque chose. Mon nom pourrait faire référence à la chose essentielle d'un piano, bien évidemment. Je suis Christian Clavier. Bonne réponse et bravo à Frédéric. Ouais, merci. Et Sandro surtout. Merci Sandro. C'était un plaisir. Elle a triché, je parie, hein, donc si tu veux. Est-ce qu'on peut créditer cette réponse au roux, s'il vous plaît? Pourquoi? C'est lui qui l'a donné. Arrête un peu. C'est vraiment une merde. Pourquoi tu dis ça? Y a rien de... Non seulement donc t'es la une merde. C'est Christian Clavier. Je vois pas de quoi tu veux me parler. Ouais, j'ai pas entendu. Les auditeurs n'ont plus d'ailleurs. Ils ont rien compris là. Rien, le roux est en train de mimer un clavier. La réponse est Christian Clavier. Pas du tout, j'ai l'ordinateur rose. Tu connais pas, c'est une maladie, il faut que je le tape sur un clavier. Et Khalil là aussi. Moi j'ai un vrai clavier. Moi. Oui, bah, je fais comme je peux. Putain, t'es vraiment. C'est le niveau de la tricherie là. Du coup, maintenant, Clément et Frédéric, je suis obligé de vous faire gagner tous les deux. Hein. Mais non, parce que j'en avais une déjà. Ça, c'est beau. Ah ouais, je sais, on rentre juste t'as aucune Noël, preuve de. Oui, fais gagner les deux, c'est pas grave. Ouais. Mais t'auras un plus beau cadeau, celui qui joue avec toi. Bon, Clément et Fred, je vous renvoie chez Michaud au standard, d'accord? Ok, ça marche, merci. Bon, salut à vous deux, à bientôt. Ciao, bye bye. Bon, et puis, si vous voulez rejouer avec nous, question pour une réponse, n'hésitez pas, nous ferons ça demain. Et oui, le 24 décembre, on sera là, bien entendu, entre 21h et un peu plus de minuit, évidemment. Donc voilà, c'est chose dit, tout est dit, c'est fait. Clément et Fred, à bientôt. Retour du question pour une réponse demain, 21h. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Voilà, et nous allons revenir dans quelques instants, bien évidemment, comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez faire le 612, débuter par énergie, si vous voulez. Si vous voulez, bien sûr, envoyer vos messages, ou alors venir et vous inscrire sur le fanbook. On est plus de 20 000, fanbook et Twitter. C'est sur mikl.fm. Vous cliquez sur la communauté et vous aurez l'accès direct au Twitter de l'émission et au fanbook de l'émission. Allez, bougez pas, on revient juste après ça. Bouge pas. Bouge pas. Mikl engueule son équipe hors antenne. et l'émission revient. L'émission revient juste après ça. Allez, dernière ligne droite de l'émission, comme tous les soirs entre 21h et minuit, on est là bien évidemment avec le Polo Show qui arrive dans quelques instants et puis on se fera péter un bon son rock US, ce sera Kelly Osbourne avec la reprise de Madonna, Papa Don't Preach. Sympa. Bah oui. Papa Don't Preach. Ah putain, preach. Ça vous fait plaisir ça, on sent que vous êtes content. Hein. Ah ouais. Roux, alors que le roux tout à l'heure, il dit putain, je suis pressé que tu le mettes et tout. Et rassure-toi, dans quelques secondes, même pas, on va vraiment être très très content. Ouais. Ouais, c'est drôle ça. Moins de... On ouvre les festivités. Ah, ouais. Mais quoi, tu veux parler du bêtisier là, bah là, oui, là. Fais péter. Oui, bah ça va. Alors, Je propose qu'on nique la gueule à Mike là. je tiens juste à vous rappeler que c'est moi qui parle le plus dans cette émission et je pense que c'est quand même qui est le moins. Oh, quel numéro, on t'a rien demandé. Ouais. Mec, c'est parce qu'on les note plus. Quoi ? Oh, alors là. Quelle aigreur, mais quelle mauvaise foi. En 2010, on va noter. Eh ben, note-les si tu veux. On pourra faire que ça. On pourra faire un bêtisier par jour. De toute façon, on s'en branle, l'émission s'arrête en février. C'est vrai. Bon, allez, faites-vous plaisir, je m'en branle de toute façon. Alors, c'est personnellement, c'est mon préféré, hein, parce que c'est le plus radiophonique, entre guillemets. C'est une des annonces de disques. Et Katy Perry qu'on aura des... Merde, putain. Ah, franchement, quel animateur de ouf. Bah franchement... Oh là là. Franchement, si vous avez ça, avec, si vous n'avez que ça... Tu trouves que c'est que ça? Tu peux mettre le mien, alors? Tu veux le tien? Ils ont lâché des maillots orange. Oui, j'aurais dû les garder, hein. Parce que celui-là, le maillot jacquard, là. Ah, là, c'est le maillot doré, il est beau, je pense. Ah, le doré, ouais, d'accord, ok. Parce que moi, je vois la télé inversée, il faut savoir quand même. Parce que je vois ça dans un miroir, parce que je suis. Mais inversée, c'est les mêmes couleurs. Oui, mais je le celui-là, je suis d'accord. Celui-là, ça, c'est la mauvaise foi. Sa mauvaise foi, on la voit trop là-dessus. Il est daltonien du miroir, en fait. Ah, on en a un sur Toff, là. Ouais. Enfin, moi, t'en as à chaque fois que j'ouvre la bouche. Putain, on avait dit que c'était le mauvais quart d'heure de Mike. Il a fallu que tu... C'est ça. Tu lui voles la vedette. Alors que j'avais un putain de son pour Mike. Je rappelle également que... Je l'ai pas tué. Oui. J'ai pas tué. Attends, faut le remettre parce que j'ai l'impression qu'on... Ouais, faut pas parler dessus, voilà. Sinon les gens captent pas. Je rappelle également que... Oui. J'ai oublié. C'est bon ça. J'avais oublié celui-là. C'est le gros bug. Le mec il est là, il parle et puis il est bloqué. Et surtout un blanc, c'est une seconde quand même. C'est long. C'est grave. C'est quand tu vois, moi quand ça m'arrive, tu vois, ça va et après ça repart. Parfois vaut mieux laisser un blanc. Ouais, c'est franchement parfois vaut mieux. Allez, à mon tour. Vous allez pas tous me faire chier. Et on va se faire un petit radio chatasse. Non. Oh putain! C'est pas possible! C'est ouf! Bon, on va faire un petit chéri chez Fais Cocu? Ouais! Alors, on appelle monsieur l'écuyer ou madame Grémy? On avait essayé Mme Grémy la semaine dernière. Tu racontes n'importe quoi, c'est un radio chatasse que tu veux faire. J'ai dit. Un chéri, je t'ai fait cocu. Ah non, bien sûr, un radio chatasse. Pourquoi vous me dites c'est chéri, je t'ai fait cocu? Non, ben on est con, désolé, c'est con quoi. On est complètement mauvais. Bon, et puis on va se faire un petit. Alors je le dédicace à Sophie, donc petit radio chatasse maintenant. Allô Jérémy? C'est un chéri, je t'ai fait cocu. C'était en une émission. T'as eu trop de mal. Je m'en souviens celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai galéré autant, mais putain, j'ai galéré. Catastrophe. D'ailleurs, ça m'arrive souvent encore avec le QPR. Ouais. Encore le Radio Chatas et les chéris, je t'ai fait cocu, c'est chut, à la limite. Ouais. Mais entre okay, QPR alors. Et je les amis, je ne comprends pas pourquoi je confonds toujours. Oui, parce qu'en plus, c'est l'extrémité de l'émission, quoi. Ah ouais, il y en a au début, l'autre à la fin. Donc il y en a encore un petit dernier que le roi avait bien aimé, je me le suis mis en bonus. Hein, ouais, enfin bon, ça. Parce qu'il est plus subtil. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Ah oui, bah, il y a des jours sans, des jours avec, comme on dit, inversement aussi d'ailleurs. Bon. Ouais. Ça, c'est rien dire. Je suis sûr ou quoi, ça va. Nous ça va, on est tranquille. Hein. Ah ouais, bah pour une fois. On se marre bien. C'est ça, ouais. Bon, ça va, c'est tout, mon procès est terminé. Non, il y en a tellement plein. C'est tout, là, il n'y en a plus après. Ah, chacun son tour. C'est bon, mais l'émission va toucher à sa fin, donc voilà, on va pas avoir le temps de tout faire. Oui, on n'a pas le temps, c'est dommage. Oh. Surtout qu'il y a le polo show à faire, hein. C'est non plus. Ouais, bof. Joyeux. On va se marrer. Hein. Oh, aigreur. Voilà, c'est il suffit de parler du polo show, l'ambiance retombe direct. Tout de suite, direct. Bon, allez, polo show dans quelques instants. Et comme je le disais, on va se faire, parce que le roux a arrêté de me tanner toute la journée. Kelly Osbourne maintenant, la reprise de Madonna avec Papa Don't Preach. Allez, polo show, c'est parti. What's up, what's up? Hey, what's up, this is the Black Eyed Peas. And you're watching the polo. Dans le polo chaud, ça fatigue un peu. Hein. On est là, enfin. And Merry Christmas. Oh, thank you very much. C'est demain, mais on y est presque. Hein. Merry Christmas pour tous les auditeurs qui écoutent le Polo Show. C'est aujourd'hui, il est passé minuit. Joyeux Noël. Oui, bah merci. Puis joyeux Noël à tous les auditeurs et à toutes les stars qui sont prêtés à ce grand jeu. Vous enflammez pas, on est le 24. Grand jeu du Polo Show. C'est demain Noël, c'est le 25. Non, oui, enfin, oui, c'est ce soir, on est dans la soirée de Noël, réveillon. Quoi, le réveillon de Noël, voilà, c'est ça. La dinde, tout le bordel. Bon, est-ce quoi. Que je peux faire mon délai oui, parce que là, vous êtes en train de raconter votre vie. Je pense que tout le monde s'en fout. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Jules. Oh, oh là. J'appelle un ami, excusez-moi. Il est mort et vite arrivé. Attendez, bon, un peu de pub, on se retrouve juste après. Si vous vous êtes fait engrosser par votre mec alors que vous aviez juré à vos parents que vous coucheriez jamais avant le mariage, il y a un téléphone pour ça. Si vous vous êtes rendu compte à l'échographie que votre bébé allait naître avec une jambe plus courte que l'autre, il y a aussi un téléphone pour ça. Et si vous avez trompé votre mari scandinave avec le fils du voisin togolais, il y a encore un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application, IVG. Uniquement sur l'iPhone. De retour dans le prochain, j'ai quelques problèmes, j'ai raccroché au nez de certaines personnes et il y a d'autres personnes à qui je ne veux pas appeler que j'ai appelé. Excusez-moi, j'ai la pression. Oui, j'ai la pression, et alors, ça arrive d'avoir la pression. Donc, qui est là? Oui, allô? Ouais? Oui, comment tu vas? Bien? Oui, tu me rappelles de moi? Non, vous êtes qui? Ça fait longtemps que tu m'as parlé au téléphone. Bon, qui est là? J'étais en train de faire les préparatifs du Noël. Ah, c'est... je reconnais l'accent. Monsieur Zombro, c'est ça? Non, Zombro. Mais ça, c'était mon ancien nom. Avant, je m'appelais comme ça. Maintenant, je m'appelle Gilles-Louis. Oui. Gilles-Louis, donc voilà. Mais tu connais l'origine de mon prénom? Non, mais vous allez sûrement me le dire. Bien sûr, je te le dis, c'est avec plaisir. Je vous écoute, Gilles-Louis, en fait, c'est un prénom composé. Bon, qui vient de l'Europe occidentale. Et voilà. Et puis, j'adore l'Afrique, j'adore l'Amérique. Je suis un friand de tarte au saumon. Et donc, les épinards, moi, j'adore. Hein. Et c'est un truc que je fais dans mon restaurant. Monsieur Zamborombo. Appelle-moi Gilles-Louis, j'essaye de m'intégrer à la France. D'accord. C'est pas très facile, pas déjà. Pas de problème, monsieur Zamborombo. Vous voulez quoi? C'est très, très difficile de changer mon nom sur la carte d'identité. Monsieur Zamborombo, vous voulez quoi? Sur le passeport marocain, ou de la harak, c'était très facile, hein. Alors, tu sais, appelle-moi un peu Gilles-Louis, comme ça, on va tous me reconnaître comme ça. Pas de problème. Ça. Monsieur Zamborombo, vous voulez quoi exactement? Parce que tu sais, à la mairie, c'est un petit peu difficile. Ouais, parce que quand tu fais dans la salle d'attente, on t'appelle. Ah, monsieur Zamborombo, est-ce que vous êtes là? Et alors, moi, je ne réponds pas, bien sûr, parce que je m'appelle Gilles-Louis. Tu vois? Alors, quand on m'appelle monsieur Gilles-Louis, est-ce que vous êtes là? Oui, bien sûr que je réponds. Et là, je viens à vous et je viens à cette dame de la mairie pour changer mon nom. D'accord. Qui est sur la carte d'identité ou sur le passeport à Oudlahla du Marocain. Monsieur Zamborombo. Oui, on va y aller. Excuse-moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Un peu vite parce que je suis un peu essoufflé. D'accord, hop, je vous ai raccroché un peu vite parce que je suis aussi un peu essoufflé. Qui est là? Allô? Allô? Allô, bro? Bonjour. Où est Hervé? Ah, Hervé, j'arrive. Ouais, Hervé, j'arrive. Parce que, en fait, là, demain c'est Noël. Ouais. Je sais, j'arrive, je suis là. Dans deux jours, je suis là. Ah, dans deux jours? Bah oui, prépare la bûche. Ah, c'est vrai, je peux varer la bûche, tu viens? Ah, bah, une vraie bûche, hein, en bois, comme ça, on va. Ah, bon, parce que, de toute façon, on a pas le chauffage ici, hein, c'est si on fait pas de bûche. Oh là là! Tu veux pas de bûche, il fait froid dans la grange, hein. Gérard, oh, j'arrive. Non, c'est Hervé, pardon. Hervé. Oui. Michel? Non, Hervé. Ah. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Michel? Non, Hervé, c'est comme énervé, mais sans le N. J'arrive. Tu arrives où? Bah, chez toi. Oui, mais t'as pas pris l'adresse? Mais je la prends en antenne, ok? Ah, bah d'accord, bah j'attends en antenne, alors, et comme ça, on s'arrange. Voilà, si, c'est tu veux, ça. Si tu veux, je vais me chercher à la gare avec le tracteur. Parfait, hein. Allez, casse-toi. Qui est là pour finir? Bah, allô? Ouais? Ouais, c'est Benoît, ça va? Eh, hey, mec! Écoute, j'ai une super idée, là. On va faire de la pub pour ton émission, là. On va faire de la pub, alors tu sais ce qu'on va faire? Allô? Je vais y aller. J'ai pas envie, je veux pas de pub. Ça ira. D'accord? Ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Je m'en fous, allez, casse-toi, si j'aime le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, grâce à eux, je suis dernier. Et ça fait plaisir. Merci, les amis. Exactement, ouais. Donc on salue notre faiseur de pub. Voilà. Voilà. On va dire ça comme ça. Hein. Ah, là, là, là. On va dire ça comme ça. Bon, on se retrouve demain pour la soirée spéciale Noël. Noël. Puisque c'est là. À partir de 21h, l'échange de cadeaux pour l'euro. Ah, pour tout le monde. Puisque souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait fait l'échange de cadeaux. On avait tiré au sort, dans un grand chapeau, dans l'espèce de vieux bonnet dégueulasse du roux, les noms. Et donc, chaque personne de l'émission doit offrir un cadeau à une autre personne de l'émission. Et donc, on fera les échanges de cadeaux demain dès 21h. Voilà, passez une bonne soirée. Les cadeaux demain, n'oublie pas de les acheter puisque c'est Noël, c'est le réveillon de Noël. Tout à l'heure, puisque c'est passé minuit déjà. Donc, on se retrouve tout à l'heure à partir de 21h. Ciao tout le monde!